tout ça. Non, ça je crois pas. Ah, dommage. Ah, vous êtes pas chiropracteur, ostéopathe. Ah, kiné pour tout ce qui est. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ça va, Rohan, elle masse bien? Oui, ça va, ça va. Tu kiffes un petit. Oh, petit saloupio, petit saloupio. Bienvenue à Fun Radio, madame. Je vous en prie, avec plaisir. Voilà, c'est un auditeur fidèle, passez nous faire un petit coucou. C'était pas la voyance, mec, le lundi, maintenant c'est la kiné. Ouais, c'est ça. Et mercredi, c'est piscine. Décidément. Bon, on a. Alors, Yardo ou Yardo, tu m'as même pas dit. Yardo, quand même. Bonsoir, Yardo. Ça va, Yardo? Salut, l'équipe. Salut, Yardo. Yardo, tu viens de quel pays, toi? La Belgique. Parce que Montreuil au bois, je m'étais dit que c'était en France, moi, Montreuil au bois. Non, c'est à Fresnes-Lanvin. C'est après où, t'as dit? Charleroi. Non, à Fresnes-Lanvin, près de Hattes. Près de Lanvin. Ah, près de Hattes. Ville t'y connais, t'inquiète. Près d'Anvin, oui, non, près de Hattes, bien sûr. Ouais, route pour aller vers Tournai, puis tu prends la E429, tranquille, depuis Bruxelles, tu passes par Halle et puis tu y arrives. Si l'année prochaine, t'es pas signé, tu peux toujours faire guide touristique en Belgique. C'est vrai, tu as bien raison. Alors, Yarno, si tu passes à l'antenne, c'est pour jouer au jeu Tous contre les chroniqueurs, est-ce que tu es prêt? Il y a moi aujourd'hui. Ah, t'es chroniqueur. Et c'est lui qui va poser les questions. Bah oui, parce que moi j'ai fait les questions, donc je peux pas jouer. Et tu peux passer à moi si tu veux. Hein. Ou on peut commencer avec Kaufman. On commence avec qui? Comme tu veux, moi ou Kaufman? Kaufman, très bien. Première question. Oui. Qui a joué le rôle d'Obélix au cinéma? Lequel? Parce que. Allez, non, ça a toujours été le même. Ça a toujours été le même, mais ouais. Donc, alors c'est Depardieu. Depardieu pour toi, Vince. Gérard Depardieu. Yarno. Depardieu aussi. Bonne réponse. Bien. Personne n'est éliminé. Nous continuons. Quelle est la capitale? La capitale. Vous êtes prêts, géographie? Vous êtes calé? Non. Je sais que t'es pas calé, toi. Du Portugal. Hein? Kaufman. Porto. Alors moi, je dis Lisbonne. Et attention. C'est au tour de Yarno. Yarno, tu as le choix. Lisbonne. Lisbonne, certain. Je sais pas pourquoi je dis Porto. Pour toi, c'est Lisbonne. La bonne réponse est... Lisbonne. Ouais. Kaufman est éliminé. Kaufman, ah, c'est historique. Et Porto, Portugal, il s'est dit ouais, non, ça y est, c'est bon. Ici, qu'en géographie, je suis nul. Il reste Vince et Yarno. Allez, allez, on y va, pression. Qui anime les 12 coups de midi, Vince? Oh, Jean-Luc Reichmann. Pour Vince, c'est Jean-Luc Reichmann. Yarno? Jean-Luc Reichmann aussi. Bonne réponse. Tu crois que le mec, il a un jour bossé dans une crèche? Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann, ouais. Parce que t'as mal prononcé, tu m'as fait rigoler. Jean-Luc Reichmann. Jean-Luc Reichmann. Pourquoi j'ai dit Porto? La suite. Pourquoi t'as dit Porto? On se pose la question. T'as peut-être trop vu de Porto. Qui chante Ma beauté? Oh là là. Vince. Qui chante Ma beauté? Ouais. Ma beauté. Ma petite beauté. Ma petite beauté. Ma beauté ou ma petite beauté? Non, ma beauté. Mon grain de beauté. Oh, qui chante Ma beauté? Ma beauté Nayo ou Ma beauté? Ma beauté. Parce que Papa Papa Wemba chantait Ma beauté Nayo. Moi je te... Même moi je sais. Ma beauté. Mais ma je te dirai rien. C'est un nouveau single qu'on joue sur Fun Radio. Non, utilise pas ton PC. Ma beauté. C'est pas, ça va. Eh, il est sur Vince. Google. Vince, il une réponse. Sur Google. Alors, non, parce qu'en fait, il a dit mon PC, mais je dois préciser que c'est pas un PC, c'est un mic. Donc du coup, je dirais Metro Gims. Quel arnaqueur. Yarno? Je sais pas, c'est une Dion. Non, pour toi, c'est une Dion. Dis Metro Gims. Vince a dit Metro Gims, en trichant. Donc, fais confiance. Moi, j'aurais jamais dit Porto avec un mic. Hein. Est-ce que c'est Metro Gims? C'est une Dion. Alors. Attends, c'est une Dion, quand même, chanter Maybe It. Qui est pas loin de Ma beauté. Ouais, non. C'est pas loin. Tu dis quoi, Yarno? Dis Maître Gims. Alors, moi j'ai dit Maître Gims. Tu dis quoi, Yarno? Dis la même chose. Dis la même Maître chose. Gims, allez. Ah oui, c'est Maître Gims. Bonne réponse. Voilà, bien. Ferme son PC. Ok, je vais faire. J'ai fermé. Vince, comment écris-tu le mot accueil? Attends, mets la musique de Motus. Il est en train de tricher sur l'ordinateur. Je triche pas. Si. Non, je triche pas. Je l'ai écrit. Vas-y, dis. Je l'ai. Non, attends. Je l'ai écrit sur mon clavier sans correction orthographique pour me rendre compte comment je l'écris. Ouais, et après, et je l'ai écrit. Voici, c'est bon. Il a toutes les musiques d'accueil. Mais non, pas du tout. J'ai tapé A 2 C U E I L. Ok, pour toi c'est ça, Yarno. A 2 C U E I L. Bonne réponse. Bonne réponse. On continue. Pourquoi j'ai dit Porto? Dans quel film Franck Dubosc joue-t-il le rôle de Patrick Chirac? Vince. Dans quel film Franck Dubosc joue le rôle de Patrick Chirac? Ouais, Vince. Je veux pas, je veux dire au hasard Camping 2 parce qu'il fait que ça, enfin dans les campings. Camping pour toi, Vince. Camping 2, il a dit Camping 2. J'ai dit les campings, parce que de toute façon c'est la même chose. On n'attend pas Patrick. Et pour toi, Yarno? Camping, c'est sûr. Camping, c'est sûr, bonne réponse. Bah, il a fait que ça comme film, c'était facile. La suite. Quel est le score de la Belgique contre la Hongrie hier soir? Tu rigoles ou quoi? Vince, c'est quoi, 4 à 0. 4 à 0. Pardon, non, excuse-moi. 0-4. 0-4 pour Vince. Yarno? 0-4. Bonne réponse. Ouais. Ça va se compliquer là. Que signifie l'abréviation ASAP? Facile. As soon as possible. Le plus vite possible. Pourquoi j'ai dit Porto? Pour toi, c'est ça. Ok. Yarno. As soon as possible. C'était quoi la question? Que signifie l'abréviation ASAP? Bah, ASAP, c'est un rapport. Hein. D'abord, S-A-P. Toi, tu parles pas anglais pour dire ASAP. ASAP. Et lui, il a dit quoi? Moi, j'ai dit que ça voulait dire non. As soon as possible, qui signifie en français le plus vite possible. Enfin, le plus tôt possible. Ouais, ouais, il dit ça aussi. Il dit ça aussi. Bonne réponse. Ouais, c'est bon, qu'est-ce qui se passe? Ça va faire match nul. Ouais, la première fois qu'on va aussi loin. En cas de match nul, Vince l'auditeur gagne. Non, c'est l'auditeur. Non, mais je peux me tromper aussi. C'est Vince qui gagne. Non, c'est l'auditeur. Non, c'est Vince. Ben, c'est moi, puisque je suis un touche contre les chroniqueurs. Allez. Comment a-t-on surnommé la sortie du Royaume-Uni? Un Brexit. De l'Union Européenne. Brexit. Brexit pour toi, Vince. Yarno. Brexit. Brexit pour toi. Bonne réponse. Ouais, mais non, mais qu'est-ce qui se passe? Vince, tu as 3 secondes pour répondre à la question. Oh merde, la pression. Combien font 8 x 6? 42. 42 pour toi, Yarno. Ah, c'est une bonne réponse. Yarno, tu dis quoi? Je dis au hasard. Yarno, tu dis quoi? 48. Yarno. Je dis 40. Ah, c'est 42. Mais non, c'est 6 x 7, 42. C'est 56, putain. C'est 48. C'était 56. Yarno, tu dis quoi? Putain, j'aurais dû faire du business avec 48 pour Yarno, 42 pour Vince, et la réponse est 48. 56. 48. 48 comme un merde, merde. Gagné. J'ai perdu. Bravo Yarno. Il a eu plus de 3 secondes, c'est un jeu. Yarno, t'es le premier gars qui gagne ce jeu. T'es le premier gars qui gagne ce jeu, c'est incroyable. Je te jure, ouais. Ah oui, c'est vrai que j'ai. Oui, parce qu'en fait, le Franzosis, il nous a fait un truc de façon jeu de nuit, c'est-à-dire quelque chose qui, techniquement, on ne pouvait pas gagner. Et ben, il a gagné, voilà. Bravo Yarno. Bravo Yarno, félicitations en tout cas. J'ai gagné quoi? Ah bah ça, tu vas t'arranger avec David de Smart Toys. Ah, il paraît qu'on a encore des. Est-ce que t'as une PS4? Un appel avec Dominique. J'ai pas les filles. Ça c'est bien. Maintenant, non, pas une PS4. Faire... La PS4 des c'est jeux, ces derniers jeux. Jours. Des jeux PS4. Est-ce que t'as, ouais, est-ce que t'as une PS4, voilà. Yarno? Ouais, une PS4, allez. Bon, on va t'offrir un jeu 360, c'est bon. Oh, mais salaud. Bon, non, t'inquiète pas, on va te filer le dernier jeu que t'appelles comment là? Rocket League Collector. J'oublie toujours, là, Rocket League. En plus, ouais. C'est venu avec tout le pack de Rocket League. Et je te fais un gros bisou, Yarno, à bientôt. Salut. Bisous. Et on a l'amour et c'est bon, on a Mike là. Bonsoir Mike. Bonsoir Vince. Bonsoir, comment ça va? Comment ça va? Mais ça va très bien. Mike, bon, on a un gros sourire parce que tout à l'heure on s'est pris la tête au téléphone. Ah, on s'est pris la tête tout à l'heure au téléphone. Ah bon? Ah, il m'a saoulé. Pourquoi? Ah, comme ça. Non, mais on s'est auto-saoulé vite fait au téléphone. Mais chacun au bout du fil ou quoi? De quoi? Vous êtes saoulé. Enfin bon, souhaite. Oui, on a bu un verre de Porto. Mais tout est réglé et puis on peut sur la bise. On se le dit au moins, mon Vince. Bah oui. On parle pas sur le dos l'un de l'autre, tu vois, c'est cool. Sinon, on aurait fait genre bon bah Mike, prévu pour l'émission. On aurait lié à faire. Allez, viens ici. Allez. Voilà, ma biche. Voilà. Non, si on aurait lié, tu vois, genre, on aurait fait comme si le reste s'était passé. Mais non. Bah, non. C'est ce qu'ils font. Il m'a pris la tête, il m'a saoulé au téléphone là tout à l'heure. Il m'a fait chier. C'est réciproque, mon Vince. Je sais, on s'est tous les deux fait chier. Voilà. Heureusement qu'on n'était pas là en face de l'autre à ce moment-là, putain. Voilà, mais sinon, tout est cool. Qu'est-ce qu'il y a prévu pour ce soir? Eh ben, ce soir, Vince, il y aura plein de choses. J'ai un de mes co-animateurs, j'ai Jonathan qui est pas bien. Il a le dos bloqué. J'ai donc fait venir ça va. Notre amie Cindy qui a accepté avec la grande générosité de venir. Donc, mais sauf que ce que Jonathan sait pas, c'est que Cindy va peut-être te soigner, Jonathan, mais ce sera peut-être pas elle. Ça va dépendre de toi. Je vais te poser des questions. Si tu réponds faux, c'est Zéza qui va te soigner. Attends, parce que moi je dois vérifier un truc. C'est Cindy qui est ici. Oui. Ou c'est vous, mademoiselle? Oui, c'est Cindy. Mais attends, mais moi il y a un truc que je me pose comme question. C'est. Elle vient de préciser qu'elle n'était pas ostéopathe. Hein. Ni chiropracteur. Bah si, elle est kiné. Elle ne fout pas dans la merde. Alors attends, tu me fous dans la merde. Être kiné n'est pas la manipulation des os. Hein. Pas toujours. Mais en tout cas. Il a mal au dos. Bah si c'est musculaire, ça va aller. Voilà, elle a un regard sur ça. C'est mon l'omoplate, ça devrait aller, tu vois. Par contre, comment tu t'es fait ton truc, t'as en héritage de naissance? Non, mais ça, c'est gagné son histoire. On dirait une brûlure, on dirait quelqu'un qui a voulu te faire quelque chose, mais il s'est trompé de trou. Bah, disons que l'alcool est très mauvais pour la santé, tu vois. C'est con. Excuse-moi, t'as vu sa tache, quand même. Et on dirait la tache de Jean-Luc Reichmann qu'il a sur le nez. Ouais, c'est pas faux. C'est vraiment ça. Ouais, mais ça fait vachement plus mal que Mais attends, mais comment t'as fait ça, toi? Mais je me suis rétamé dans les escaliers, en fait. Je suis en boîte de nuit, et puis il y a qu'un connard qui a fait tomber son verre, j'ai glissé dessus, et paf. Mais le problème, c'est que je me suis pas loupé, c'est sur les deux dernières marches. C'était tout en haut jusque tout en bas. Il y a un étage, comment ça se passe? T'es tombé dans quels escaliers? Celle qui se trouve devant la scène ou celle qui se trouve. Non, pour aller aux toilettes. T'étais où, You? J'étais là. Voilà, j'ai connu. C'est ça. Bon, bah écoute, j'espère que mademoiselle va pouvoir faire quelque chose. Ou peut-être autre chose. Oui, ou Zézel. Ou Zézel, peut-être, je sais pas. Ouais, nous verrons, ça dépend si j'ai quand même plus confiance en la jeune dame qu'en Zézel. Je dis ça, viens. Oui, et ben justement, tu prends bien puisque. Je sais pas comment vous avez dit quoi, Cindy. Il faut pas se fier aux apparences, on sait jamais. Ok, qu'est-ce que tu m'as ramené, Mike? La menace. Attention, je sens la pression qui monte dans les studios de Fun Radio. Et puis en plus, la pression est d'autant plus forte que ce soir, puisque tu sais que c'est la dernière semaine d'émission. Ouais. On sait toujours pas si on est re-signé ou pas, mais en tout cas, je commence à rechercher pour la saison prochaine ou un taf ou une nouvelle équipe. Et j'ai demandé à l'équipe de m'écrire des lettres. On va faire des lettres de motivation. Pour trouver un taf ailleurs. Ouais, non, pas pour trouver un taf ailleurs, pour rester avec moi ici dans la saison prochaine. Ok, d'accord. Et donc voilà, ils vont me lire leurs lettres et ce sera à vous, chez vous à la maison, de décider qui vire et qui reste. Bah, tout le monde reste, hein. Ils sont gentils, les auditeurs. Non, il y en a deux, trois que je peux pas me plaire. Ok, allez, Mike Opus qui démarre tout de suite sur Fun Radio. À la bourre, putain, ça fait longtemps, 23h05. Allez, c'est bon. Allez, bisous tout le monde, rendez-vous demain 20h. Bisous. 23h. La journée se termine. Vos paupières sont lourdes. La lumière vient de s'éteindre. Mais ne dormez pas encore. Un vent de liberté s'engouffre dans votre rue. Il souffle jusqu'à pénétrer chaque recoin de votre chambre, de votre véhicule. Vos poils se hérissent. Votre pouce s'accélère. L'heure est venue de l'ouvrir. Ne restez pas caché sous votre couette. Levez-vous et montez le son de la radio. Montez-le encore. Encore. Le voisin gueule. On s'en tape. Encore. Soyez où que vous soyez, la nuit ne fait que commencer. Total délire, 100% tolérance, Radio Bordel. Mike Open Space, jusqu'à 2h sur Fun Radio. Et on est là, bonsoir tout le monde, bienvenue, 23h06, c'est parti comme chaque soir ici jusqu'à 2h du matin, libre antenne sur Fun Radio, vous débarquez dans toute la Belgique, dans loin tournée 02 851 4x0. Venez parler sur cette radio, dernière semaine d'émission, 4 émissions encore avant la fin de la saison les amis, 4 émissions pour foutre le bordel et pour retourner le pays tous ensemble. Je vous attends au 02 851 4x0. C'est Zezel qui décroche ce soir. Salut frérot. Hey, salut. Comment s'est passé ton week-end? Zezel, ça commence à être une personnalité quand même, parce que tu sais, les gens dans la rue, je te jure qu'il y a quelqu'un qui m'a arrêté ce week-end dans la rue et qui m'a dit: j'ai vu Zezel sur Bellswing. C'est vrai? Parce qu'il est inscrit sur Bellswing, un site de libertinage. Ouais, et je te jure frérot, on le raconte à la radio, mais il y a vraiment un mec qui m'a arrêté, qui m'a dit ça et qui t'a vu apparemment sur Bellswing. C'est fort. Peut-être un de tes futurs plans, mon Zezel. Merci. Mais tu fais quoi sur Zezel, sur Bellswing? Tu fais vraiment du libertinage ou c'est du côté à côtisme? Du côté à côtisme. Ouais, non, mais tu sais, c'est quand tu baises. Il y a des couples que ça excite. Ouais. Hein, faire l'amour à côté d'un autre couple, c'est ton kiff. Plus. Je vois pas ce que... Non, c'est du cotacodisme, vraiment. Je vois pas ce qu'il y a de kiffant. Hein. Bah, j'arrive pas à comprendre. C'est super sympa. J'arrive pas à comprendre comment tu peux kiffer voir ta meuf se faire. Ah non. Non, donc du cotacotisme en fait, c'est faire l'amour l'un à côté de l'autre. Hein. Donc c'est-à-dire que le couple le fait entre eux et nous on le fait. Ouais, mais ça doit être une tanasse, tu te mets la pression de ouf, parce que moi dans ma tête je me mettrais la pression pour être absolument meilleur que le mec qui est à côté de moi, tu vois. Mais je sais que je suis le meilleur, donc. Inversement, le mec il peut se dire ça aussi, tu vois. Donc... Bah oui, mais donc ça se termine jamais le truc. Bah, c'est ça, mais moi je peux tenir 6 heures comme ça. Mais avec la pression. Ça fera toujours 6 heures de plus que d'habitude. Exactement, merci Jonathan. Comment ça va? Bah écoute, voilà, mon dos un peu en compote, mais ça va. Passé un bon week-end? J'ai passé un week-end de... Non, mon week-end a commencé hier en fait, j'ai l'impression. J'ai rien foutu pendant 2 jours et puis hier, tout s'est réveillé et j'ai eu tout d'un coup. Oui, c'est vrai qu'on est parti en Tebois et tout, on est parti au You. On vous racontera, il y a encore plein de choses qui se sont passées durant cette soirée. Ah, sale histoire, sale histoire. Et je ne suis plus avec ma meuf. Ah oui. Je vous raconterai ça ce soir, je ne suis plus avec ma meuf. Ça y est, Coralie, c'est fini. Ouais, t'as trouvé quelqu'un d'autre? Non, sale histoire, elle m'a viré. Ah! Elle m'a viré, elle m'a largué comme une merde ce matin. Elle m'a envoyé un message, elle m'a dit c'est fini. Elle était pas à côté de moi dans le lit. Je vous raconterai ça tout à l'heure sur Fun Radio. 02 851 4x0, la famille pour nous appeler. 3044 aussi pour balancer des messages ce soir. Il y a de Chainsmokers qui arrive pour commencer l'émission. Don't let me down. Et tiens, j'ai le chiffre du jour. Ouais, vas-y. 7 à 13 minutes. Ça correspond à quoi? Bah justement, on en parlait. Bah, un rapport sexuel. La durée idéale d'un rapport sexuel selon les scientifiques, entre 7 et 13 minutes. Est-ce que ça vous paraît correct? C'est un peu court, mais ça va, c'est pas mal. Ouais, ouais, 13 minutes, j'espère quand même, c'est douche comprise. On n'est pas des surhommes non plus, faut pas abuser. On va accueillir la première ce soir, si Zezel daigne me la mettre à l'antenne. C'est Anaïs qui est là. Bonsoir Anaïs. Anaïs? Oui, bonsoir. Salut Anaïs. Bien, t'as passé un bon week-end? Bien. Ouais, très bien, moi j'ai passé le week-end avec des amis. Ouais, vous avez fait quoi? Vous avez maté le match hier? Ah, quel bon match, putain. Ouais. Ah, parlons-en 5 secondes de ce match. Comment ça va Zezel? Excuse-moi, j'étais pas... Je suis passé vite sur le tour de table. Ouais, c'est alors, pour ça. J'ai un truc à nous dire en tant que belgo hongrois. Non, je ne peux rien dire. Je ne peux rien 4-0, dire. J'ai encore Zezel. Mal aux fesses. Ah ouais. 4-0, franchement, Zezel, on n'a pas réussi à le joindre avant ce soir 19h tellement on était dégoûté. Ouais, il était pas bien, ouais. Non, respect. 4-0, franchement. Ah, je suis en dépression. Tu peux mettre un goal éventuellement. Tu peux pas en mettre 4. Tu peux prendre éventuellement 2 goals. Bon, t'es pas bien, machin, mais pas 4. Tu peux prendre 3 goals. Bon, ok, bon, t'as joué avec le standard de Liège, t'es nu, bon, ok, 3 goals, mais pas 4. Ah non, mais je ne fais pas la suite, c'est trop. Tu fais pas la dernière. Anaïs. Tu peux pas mettre 4 goals. Ah si, tu peux. Mais même Wilmot s'était surpris quand même, hein. Putain. Ouais, putain, c'est un match. Vu la gueule, la gueule du mec, le 4ème goal, il a pensé. Mais c'est qui au prochain tour? Donc au prochain tour. On affronte quelle équipe au prochain tour? On affronte le Pays de Galles. Le Pays de Galles. C'est ça. Et je crois que ça a bougé sur le Loto Foot. On fera les résultats tout à l'heure du Loto Foot. Il reste peu de matchs à pronostiquer. Je rappelle que le premier choisira la destination de son choix. C'est moi qui régale pour toute une journée. Et je crois que ça a bougé. Jeudi soir, c'était Zezel et Maître Kevin numéro 1. Oui. Est-ce qu'ils sont toujours numéro 1? Oui. Ah. Oui. Ça c'est un teasing de merde. Non, parce que tu vas voir, tu vas voir, c'est bizarre en fait. Bon, ce sera tout à l'heure dans l'émission. Anaïs, 17 ans, à Woluwe, ma chérie, tu veux me parler de quoi? Tu es l'auditrice mystère de ce soir, on va devoir trouver pourquoi tu nous appelles. Est-ce que tu as un indice pour moi, Anaïs? Bah, en fait, il se trouve que j'ai une grande passion. Ouais. Et ce serait pour que vous puissiez savoir laquelle. Faut qu'on trouve ta passion. Ok. C'est vaste, non? Ne bouge pas, Anaïs. Ok, on va essayer de la trouver. T'as pas un indice parce que c'est super vaste, bah oui, on ne trouvera jamais en deux minutes. Hein. Il se trouve que je suis assez fan de Harry Potter. Ah, donc en fait tu nous balances ta passion comme ça. Ok, bah, très bien, je pense que le jeu va être vite fait, mais ok, on va en parler ensemble dans quelques instants. Ok. Anaïs, je vois pas comment on va pouvoir arranger le dos là. Bah, 02851 4x0, Zezel, récupère-moi ce bordel. Voici The Chainsmokers sur Fun Radio. Et Jonathan, je vais m'occuper de ton dos également. Ah, c'est gentil. Tu es souffrant, tu es pas bien. Oui. Je t'ai fait venir le top du top de la kiné. Ce sera tout à l'heure, mais ce sera peut-être Zezel qui va te soigner aussi. Ah, ouais. Merci d'avoir choisi Fun Radio, c'est l'Open Space dans vos oreilles jusqu'à 2h du matin. Dernière semaine de l'émission avant les vacances. Il est 23h15, je vous attends au 02 851 4x0. Toute une une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Et en fait, la qualification des Diables ouais, Rouges ensemble, qualifier les Diables pour les quarts de finale. Quel match hier, n'est-ce pas, Zezel? 4-0 contre ton pays, tiens, frérot. Il fallait que ça tombe sur toi, tu vois. Mais ouais. C'est pas ton année déjà, Zezel? 86. Et là, tu prends 15-0. Déjà, ta meuf, elle couche avec son meilleur ami. Enfin bon, on la soupçonne de coucher avec son meilleur ami. Mais 4-0 pour la Hongrie, pour la Belgique. Je peux juste dire un truc. Quand t'as dit c'est pas ton année, Zezel, il a quand même dit 86, le mec. Il donne sa connaissance comme ça, tu sais. Non, mais je vous le dis, il est vraiment pas bien depuis la défaite de la Hongrie. Je comprends plus rien. Ah, il est au bord du ravin, le petit Zezel. Toute la Belgique en entier, là, on vous attend. On salue Jean Blou qui nous écoute. 89.2, c'est la fréquence. Big up à Liège, la connecté comme chaque soir. 99 FM à Mons, vous nous écoutez. 93.9 à Namur, on vous big up aussi. 107.5, là. Il reste 4 émissions à passer ensemble. Ouais. Avec dans quelques instants les infos balayoc, j'en ai encore. On va se faire. On va s'occuper de ton dos. Attends, il y aura le tapin l'info mec également. Ça arrive. Et puis Autonose dans 5 minutes. Et Autonose, excuse-moi, j'étais en train de faire un truc à Zezel en antenne. Autonose, Million Voice, c'est ce qui arrive dans 5 minutes sur Fun Radio. S'il y a un son que vous voulez vous écouter, vous m'en faites la demande également au 3044. T'as pas l'info mec de Calais avec Jonathan. Je ne sais pas si je l'ai dit, il y aura plein de choses à faire. Et j'espère que vous m'avez écrit vos lettres de motivation pour la saison prochaine. Qu'on soit ici sur Fun Radio ou ailleurs. Oui. Voilà, moi je vous prends avec moi, mais il va falloir me prouver votre motivation. Ce soir, c'est Zezel qui va passer. Ouais. On a appelé ça la lettre de la dernière chance. Oui, c'est ça. Donc ce sera tout à l'heure. Et c'est vous à la maison qui allez choisir l'équipe de l'année prochaine qui sera sur Fun Radio ou ailleurs. C'est ça. Voilà, tout est parfait. Anaïs, on va te récupérer. 17 ans, Anaïs, à Woluwe. Oui, bonjour. Bon, Anaïs, rebonsoir. Ouais. On s'est déjà dit bonsoir. Anaïs, ouais. Tu es fan d'Harry Potter, tu m'as dit. Mm-hmm. Bah alors ça m'arrange pas cette affaire, t'as pas un indice à me donner tu nous appelais juste parce que t'étais fan d'Harry Potter en fait. Mais non, mais il faut qu'on trouve la passion. Bah non, mais... Bah, voilà. C'est sa passion, c'est Harry Potter. Oui, mais il y a peut-être autre chose aussi. Concernant Harry Potter. Ouais. Oh là là là, c'est compliqué. Bah ça va, on peut pas donner plus d'indices parce que alors elle nous donne non, la réponse. Non, bah alors ok, bon, bah on va essayer de trouver quoi. 30-44, vous posez des questions. Moi j'ai rien compris au délire, mais si vous avez compris un truc, 30-44. On a deux minutes pour trouver pourquoi tu nous appelles, Anaïs. Si on trouve, tu repars avec du cadeau Fun Radio. Est-ce que c'est compris? D'accord. C'est parti, 30-44 dans l'équipe, vous posez des questions. Et Bilitis, la meuf à Zezel qui est venue comme chaque jeudi soir, va aussi poser des questions puisque Coco est absente ce soir. Je vous expliquerai tout sur Coralie tout à l'heure. Anaïs, est-ce que toi aussi tu kiffes les gros balais Nimbus 2000? Non, pas trop. Tu peux répondre par oui ou par non aux questions, hein, Zezel. Est-ce que t'as un kiff sur un des personnages? Oui. Est-ce que c'est ça, non mais est-ce que c'est pour ça que tu nous appelles? T'as un kiff sur un des personnages? Non. Ah bah voilà, réponds que par oui ou par non en ce qui concerne ton sujet, s'il te plaît. Bilitis. Est-ce que tu fantasmes sur un objet? Redis le mot fantasme. Fantasme. On a retrouvé Sophie Favier, les gars. Et le numéro complémentaire, la chose, c'est C'est pas ça, Anaïs. Donc tu fantasmes pas sur un objet, Jonathan. Est-ce que tu. Est-ce que, je sais pas, tu vas travailler à l'expo là qui se déroule à Bruxelles bientôt là? Ouais, c'est vrai. Non. Ok. 30-44, les amis. Posez vos questions à Anaïs. Si vous trouvez pourquoi elle nous appelle, vous avez du cadeau. Et il y en aura aussi pour toi, Anaïs, si on trouve. Zezel. Est-ce que tu. Je sais pas moi. T'as relu 15 fois chaque bouquin, on nous dit, au 30-44. Oui. C'est pour ça que tu nous appelles ? Mm-hmm. C'est parce que t'as relu. Ouais, mais... On comprend rien, moi je suis BDR. Si on commence la semaine comme ça, je dis. Jonathan. Mais je sais pas, c'est ça ou c'est pas ça déjà? Non, c'est pas ça. C'est ah, pas d'accord. Ça. Est-ce que t'as rencontré l'un des personnages en vrai? Non, malheureusement. Il vous reste 20 secondes, on est. On vous des questions là, Zezel. Est-ce que. 30-44. Ah, moi je me suis tapé un délire une fois. Est-ce que tu t'es plus ou moins inspiré ou est-ce que t'as recréé peut-être une fin? Oui. Hein? Ouais. Elle vit comme Harry Potter, on nous dit au 30-44. Non, c'est pas ça? Oui, c'est ça. Si, si. Donc en fait, il n'y a pas vraiment que avec Harry Potter, il y a aussi avec pas mal de choses fantastiques, où je m'amuse à recréer soit une fin ou alors une suite. Ah, tu réécris derrière? Tu continues oui. L'œuvre? Ah, d'accord. Ouais. Et finalement, Harry couche avec Dobby ou pas? Avec Gollum. Ils ont une longue histoire d'amour et tout. Et alors, c'est quoi ta fin d'Harry Potter à toi? C'est quoi la suite de ton histoire? Ben, en fait, tout simplement que Harry Potter reprend le flambeau de Voldemort et qu'il commence à. Allez, à tuer tous les Wislem, avant les tortures, à mourir et tout ce qui s'enfuit. Oula, ça, les oblige à s'assassiner les uns les autres et tout ce qui s'enfuit. Ah ouais, c'est un petit peu un croisement entre Harry Potter et Star Wars, quoi, avec le côté sombre, Harry Potter qui va dans le côté sombre, c'est ça? Ouais, on peut dire ça comme d'ailleurs, ça, ouais. Ah, puisqu'on parle d'Harry Potter, permettez-moi de faire une révélation, les amis. Oui, vas-y. Je suis désolé de les dire, mais Harry Potter est gay. Ah bon? Bah, excuse-moi, un gars qui passe toute sa scolarité à se frotter le cul contre un balai, tu appelles ça comme tu veux, mais pour moi, c'est clair. Et puis la baguette magique. Oui, c'est vrai. Bah, c'est quoi si ce n'est un appel au plaisir charnel? Exactement, il a je bien pose acheté. La question ce soir sur Fun Radio. Est-ce qu'il y a des objets magiques comme ça, vous rêveriez que ça existe en vrai? Jonathan. Un cerveau. Ça pourrait t'aider. Non, faire grandir son zizi non plus, ça marchera. D'accord, pas. C'est pas un super pouvoir en plus, je l'ai dit. Beatis. La lampe pour avoir un génie et trois vœux. Et quel serait le premier vœu que tu ferais au génie? Que Zezel tienne plus longtemps. Qui? Oh putain. Que Zezel tienne plus longtemps au lit. Il tient pas très longtemps au lit. Non, c'est pas vrai. J'ai une bonne idée de faire parler la meuf à Zezel ce soir sur l'antenne. Je crois pas. Bon. Zezel. Une cape d'invisibilité. D'accord. Et donc toi, Anaïs, ce serait une baguette magique, je suppose. Non, personnellement, la cape d'invisibilité aussi. Ah ouais, d'accord. Ok, bah j'ai un sondage justement qui répond à la question: quel objet magique rêveriez-vous d'avoir en votre possession? Et toi, Mike, c'est quoi lequel? Un truc pour garder ma dignité en étant bourré. On va pas se mentir. Tu l'as perdu hier vers 2h14, hein, je te le dis. Je peux, un peu avant même. 7% des gens rêveraient d'avoir une boule de cristal. Bah pourquoi? Sextoy classique, on va pas en faire tout un plat. 9% des gens aimeraient avoir un tapis volant. Rien que pour passer devant tout le monde dans un embouteillage, ça doit être le kiff. Ah ouais, ça doit être dans les fils, etc. 20% aimeraient avoir une fontaine de jouvence. Pour rester jeune. Ah. Je sais pas si ça existe, en tout cas je suis sûr que Bernadette Chirac l'a pas trouvé. Et Charles Aznavour non plus d'ailleurs. 22% des gens souhaitent avoir une cape d'invisibilité. D'invisibilité, d'y arriver. Mais il y en a qui ont trouvé ça. La cape d'invisibilité? Mais bah, c'est impossible. Bah si. Bah Amel Bent. On la voit plus, elle a disparu. Elle est morte. Comment il s'appelle? Le magicien Sylvain Mirouf. Et lui il a bouffé la cape d'invisibilité, tu vois. On le voit plus du tout. 46% des gens aimeraient avoir une baguette magique. Bah pourquoi faire? Bah elle se fout dans le cul à ton avis. Bon, je sens qu'on est, on est surexcité ce soir. Anaïs, cadeau qui arrive toi. À la maison, cadeau pour toi. D'accord, merci beaucoup. Oh. On a trouvé pourquoi tu nous appelais. Et Anaïs, y a moyen qu'on puisse lire tes aventures, tout ça, la suite des aventures d'Harry Potter sur version Anaïs sur le Facebook, t'as un truc comme ça, tu veux faire ta promo? Ouais, bien sûr. Alors vas-y. Pas de soucis, s'il vous plaît. Bah tu m'envoies les liens, je vais les mettre sur le Facebook, d'accord? Ouais. Non, non, pas. Ouais, Zezel va te filer les contacts pour envoyer tout ça. Bisous Anaïs. Bisous tout le monde. Bientôt, bisous ma chérie. On audio 3044, le collier pour remonter le temps, moi j'aimerais avoir. Ah ouais, c'est vrai, Harry Potter, c'est pas mal. En plus, il va y avoir une suite d'Harry Potter, on nous dit, j'ai trop hâte de pas découvrir. Une suite, c'est ce qui se passe avant. Non, il va vraiment y avoir une suite d'Harry Potter qui va sortir au théâtre. Ah oui, au théâtre. Ah oui, bah, le film, avec une Hermione Granger Quebla et tout. Non, ça c'est pas au théâtre, ça c'est dans le film qui va sortir. Ah, c'est au théâtre. Non, le film, il y aura pas. Le film, c'est les Animaux Fantastiques. Eh, tu parles à un spécialiste, hein. D'accord, je te rappelle que je suis puceau, je connais tout de Harry Potter. 23h23 sur Fun Radio dans quelques instants. On va récupérer Laure qui est là, et Terbeck. Salut Laure. Hello Laure. Bonsoir, ça va Laure? Super bien. Mmh. Oui. Ouais, ça va. Tu es Laure de Maison du Café? J'ai pas entendu. C'est pas grave. Valait mieux pas. Laure, ma chérie, tu veux me parler de quoi, Eterbeck? Alors, en fait, je dors toujours avec mon bibi. Et c'est chaud, quoi. Et t'as quel âge? 19 ans. Bah non, c'est mignon dormir avec un doudou. Ouais, mais pas quand il fait 1 mètre, quoi. C'est quoi ton doudou? C'est une représentation taille réelle de Rocco Siffredi? Enfin, de partie intime de Rocco Siffredi, c'est quoi? T'es fort avec ses culs, ça. Non, c'est un grand chien, en fait. Un grand chien. Et tu dors avec ça? Oui. D'accord, mais tu nous en parles dans quelques instants, quoi. Ça gêne ton mec? Non, mais bon, ça me met mal à l'aise, quoi. Je l'emmène partout, en vacances, à des camps. Bouge pas, on va en parler ensemble dans quelques instants. Alors, si vous dormez avec un doudou, que vous êtes un peu âgé pour ça, dites-moi sur l'SMS au 3044. Voici Autonose sur Fun Radio, bienvenue tout le monde. toute la Belgique en entier, quelle que soit votre religion, votre couleur de peau, votre orientation sexuelle, tout le monde sans distinction aucune, ramenez-vous. Chaque soirée ici c'est l'Open Space. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. Et on est ravis d'être là, de passer une partie de nos nuits avec vous sur Fun Radio, 23h27 en direct, différent de tout ce qui se passe ailleurs à la même heure sur la bande FM. Dans quelques instants, Jonathan. Oui. Tu as mal au dos, tu t'es ramassé la gueule hier en te bois. Ah bien légèrement, ouais. On sortait au You avec toute la team. Et j'ai quand même deux personnes de l'équipe qui ont terminé la soirée à l'hosto. Bah j'ai pas vraiment. Quasiment. Non mais toi t'es parti à l'hosto tout à l'heure. Oui. Et Coralie aussi. Oui. Coralie aussi est partie, je l'ai emmenée à l'hôpital pour sa main parce qu'elle s'est pété la main hier. Hier au You. Mais c'est pas pour ça qu'elle est pas là ce soir. Elle est pas là ce soir parce qu'on s'est embrouillé avec Coralie. Ah, d'où le fait qu'elle s'est pété la main. Mais je parle quand je dors en fait, tu vois. Ah. Et j'ai fait la boulette, j'ai dit le prénom d'une autre meuf. Et ça lui a pas plu du tout. Donc j'appellerai tout à l'heure Coralie en direct pour essayer de résoudre ce souci, puisque je voulais en plus, je l'avais prévu une surprise à l'antenne jeudi soir pour la dernière de l'émission. Vous êtes tous au courant jeudi la surprise que j'ai prévue à Coralie? Ça fait un an qu'on est ensemble. Ah oui c'est vrai, je sais moi. Ça fait un an qu'on est ensemble. Tu me l'as dit tout à l'heure. Et jeudi soir, ça y est. Si on réussit à se réconcilier, on va passer aux choses sérieuses jeudi soir. Ouais. Et on va passer un cap. T'es sûr Mike, t'es sûr hein. Je vais me mettre les menottes aux mains. Ah mais c'est plus que les menottes là, c'est. Oui. J'ai pas la fin. Non mais c'est ça, ok, très bien. Bon ce sera jeudi soir. Et dites-nous si vous avez trouvé, bon je pense que tout le monde a trouvé sur l'SMS au 30-44. Je vais finir faire venir un petit Elvis. Un petit Elvis Presley. Il s'occupera de la cérémonie et tout. N'oublie pas, on est en Belgique, on est à Bruxelles, t'auras à mon avis pas un Elvis, t'auras plutôt un sosie de passe-partout. Au mieux, tu vois. Tiens, il y a Justin Timberlake qui arrive pour la suite du son sur Fun Radio. T'as pas l'info mec de Calais avec Jonathan dans 5 minutes. Ouais. Et Laure, qui est là, 19 ans, Utterbeck, Laure toujours là. Re-Laure. Toujours là. Alors, Laure, tu dors avec un doudou géant. Oui. D'accord. Une peluche de 1 mètre, c'est quoi? Un chien, je crois. Un chien. Et il s'appelle comment? Tu lui as donné un petit nom et tout? Oui, Casimir. Quoi? Casimir, d'accord. Et t'as pas choisi le truc le plus discret. Mais bah. Tu sais que... ça s'appelle pas un doudou, ça s'appelle un amant, t'es au courant? À ce point-là, ouais. Ce tarif-là, je sais pas, est-ce que vous avez des doudous dans l'équipe Zezel? Je te vois bien pour dormir avec un doudou, toi. Ah bah non, franchement, zéro doudou. Non, rien? Même pas non. Un truc de ta meuf, rien? Je jure, même pas un oreiller. D'accord. Que dalle. Ouais, j'en ai un, ouais. Mais depuis que j'ai déménagé, je l'ai plus trop avec moi, mais c'était un éléphant que j'avais reçu de ma marraine quand j'avais 7 ans. Noël. D'accord. Voilà. Ah, c'est tout mignon. Oui, moi aussi, j'en ai un, une poupée plastique avec un tour de poitrine de 95D. Je l'ai pas que je suis petit mais j'y tiens quand même. Non mais après c'est mignon Laure, y a pas de mal. Oui enfin un mètre quand même. Non mais c'est vrai. On couche avec toi, on a l'impression de coucher avec une petite fille. C'est horrible ce que je viens de dire, je retire ce que je viens de dire, c'est horrible. C'est la fin de saison, je me lâche totalement. Je vais pas te réveiller. Non mais ça te pose un problème, toi tu as une meuf, tu vas dormir pour la première fois chez elle, elle a un doudou géant, elle te dit ok non. Mais je dors avec quoi. Non, si je le vois la première fois ça me choque pas. Par contre si elle le cache et qu'elle me le montre au bout de 5 ou 6 fois, non elle ça me gêne. Autant qu'elle me le dise direct, ça me gêne pas. Mmh. Voilà. D'accord. Zezel. Non, moi ça me gêne pas. Ça te gêne pas non plus. Toi, du moment que tu peux y aller, les ailes. Mais c'est quel dalleux celui-là? Non, mais c'est un truc de fou, sans déconner. Deux, hein. Mais il est sans foi ni loi celui-ci. Hein. Laure et la meuf. Est-ce que. Donc, en fait, tu peux pas. Si t'as pas ton doudou, qu'est-ce qui se passe? Tu peux pas dormir? Ouais, je fais des insomnies de dingue. Mais c'est psychologique ça. Hein. Ouais, c'est ça. Hein. Mais bon, après, je trouve ça mignon moi. Oui, c'est mignon, mais c'est psychologique. Je suis vachement attendri par toi, Laure. T'es célibataire, Laure? Oui. Ah! C'est peut-être à cause de ton chien, justement, ton chien géant, non? Ça pourrait m'intéresser éventuellement. En plus, ma meuf n'est pas là ce soir. C'est bien, c'est qu'il y a 2 secondes, je pars de mariage et là, je pars de la tromper. Oui, c'est ça. C'est parfait. Mais déjà, c'est plus trop ta meuf, tu t'embrouilles avec. Donc. Oui, mais je vais la rappeler tout à l'heure, t'inquiète pas, j'ai préparé un petit discours, je pense qu'elle va craquer. On va faire crac-crac. Tu me connais, Jonathan, tu sais que je sais bien parler. Ah, grave. Tu trouves toujours les bons mots. Voilà, je suis très poétique. Comme gars. Est-ce qu'il y a des objets comme ça, un petit peu comme Laure, dont vous ne pourriez pas vous passer? Dites-moi sur l'SMS au 3044. On nous dit ma copine qui a 21 ans a une couverture comme doudou. Et moi, ça me dérange pas du tout. Je comprends, je trouve ça très mignon. Donc il n'y a pas de quoi en avoir honte. Salut mec, est-ce que tu peux nous mettre un petit Ménélik? Bye bye, ça faisait très longtemps. Voilà, c'est ça le groupe en fait. Tu disais que c'était Joestar ou NTM. Là, je te dirais bye bye. Ménélik. Mais non, c'est Ménélik. Reste cool bébé, sinon je te dirais bye bye. Bye. Voilà. Je dors avec un mouton et j'ai 52 ans. C'est Françoise Deroux qui nous dit un ça. Un vrai mouton? Bah non, avec un mouton en peluche. Je pense. Est-ce qu'il y a des objets que vous pouvez pas vous passer? Moi, ma meuf, c'est son fer à lisser. Ah ouais? Putain. Coralie, c'est son fer à lisser. Elle sort nulle part sans son fer à lisser. Non, mais je te jure, la dernière fois, on est parti en week-end. Pam! Elle oublie quoi? Bah, son fer. Le fer à lisser. J'en ai entendu parler tout le week-end. Toutes les 5 minutes, son fer à lisser. Et mon fer à lisser par-ci, mon fer à lisser par-ci. On est rentré de week-end. Elle m'a dit, chérie, je vais en bébé. Je lui ai dit, vois avec le fer à lisser. Parce que tu m'as fait chier. Zézel. Moi, j'irais plus. Je sais pas, moi. Il y a plein de trucs. La première capote que j'ai utilisée. Oh là là, mais arrête Zézel, putain. Ouais, moi, c'est en porte-bonheur. Non. Dans le portefeuille. Oh là, mais j'ai honte, ça fait 32 minutes. Non, mais j'ai honte. Oh là là. Non, l'instant gênant, non, quoi. Mais avec toi, c'est un instant gênant, mais qui se termine jamais, hein, Zézel. T'as vu, hein. Non, vraiment un objet, tu ne peux pas t'en passer. Un de mes caleçons. À chaque fois que je pars en voyage, je dois prendre ce caleçon là. Ah ouais, ouais, ouais. Sinon, il t'arrive que des couilles. Sinon, il m'arrive que des couilles, ouais, c'est une impression. Jonathan. Ma chatte. J'aurais jamais cru dire ça avant, mais depuis que j'ai mon chat, je peux plus m'en séparer. Ouais. Donc, franchement, si je pouvais la prendre à la radio, je la prendrais à la radio, hein, je te rigole pas. Hein. Sur les SMS, on nous dit bah oui, j'ai un cousin chinois qui a un restaurant, en plus tu peux la ramener, y'a pas de soucis. Anne nous dit moi, c'est ma lime à ongles, je peux pas en passer. Mélodie nous dit ma brosse à dents, Babou nous dit mon smartphone. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, mais ça c'est horrible. Ça par contre, c'est horrible. C'est-à-dire que. Tu vas t'en passer. Bah, surtout lors des premiers rendez-vous, tu vois, genre t'es avec. Tu rencontres une meuf, tu vas voir la meuf au premier rendez-vous, elle est tout le temps sur son téléphone, c'est horrible. Parce que ça donne le ton sur toute la relation que vous allez avoir, c'est-à-dire que. Bah, je sais pas, vous allez tout le temps rester bloqué sur le téléphone, tu vois. Ah ouais, il faut s'en séparer. On nous dit, moi, c'est ma carte bleue, même si j'ai du liquide, j'ai besoin d'en avoir. Ah, mais ça, c'est au cas où il y a une soirée carte bleue. Qui n'a jamais invité une soirée carte bleue, faut être prévoyant, faut toujours avoir sa carte bleue. J'aurais voulu qu'elle se passe pas hier, moi, en tout cas. J'ai encore le McDo dans la gorge. Ah oui, c'est vrai que tu nous as payé un McDo. Ah, c'est pas un McDo, c'est un McDo en or. C'est ça qui va payer un McDo pour 3, il rentrera avec 70 balles, le gars. Je jure que c'est vrai. C'est pas fou, ouais. La dernière fois, quand j'ai quitté mon ex, je me suis trompé de trou, j'ai mis au nounours. C'est n'importe quoi, un SMS qui vient d'arriver sur le 3044. Laure, t'inquiète pas, tout est normal, ma chérie, moi je trouve ça très mignon. Ah, super. Bon, je te fais des gros bisous, Laure. Bisous, bisous. À bientôt. Tu vas quand tu veux, ma chérie, dans l'émission. 23h34, vous faites le 02 851 4x0 si vous voulez venir parler aussi de tout et de rien. Ouais. Dans tout le pays sur Fun Radio, où que vous soyez, quoi que vous fassiez actuellement. Tout à l'heure, on va s'occuper du dos de Jonathan. Oui, il y aura bientôt, le talapin. On le fait juste après là. Mais normalement, je devais passer l'émission couchée. Oui, mais ça va, t'es pas le prince non plus, faut pas exagérer. Attends, tu te calmes. C'est Justin Timberlake, je m'occupe de toi juste après Can't Stop the Feeling sur Fun. Sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. And under the lights, when everything goes nowhere to hide, when I'm getting you close, when we move. When you dance, dance, dance, feel a good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance, go. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance, go. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't be control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. Just imagine. Avec vous tous et vous tout en direct, faites-moi exploser le standard 23h38 sur Fun Radio. On est là, c'est l'Open ouais. Space avec Gradure dans 5 minutes. C'est Rosa qui arrive sur Fun Radio. C'était demandé par Zédric là sur les SMS. Samir aussi qui m'en a fait la demande au 30 et 44. On peut changer la prog musicale pour vous à la dernière minute hein. C'est ouais. Vous qui choisissez les musiques qu'on passe dans cette émission. Avant de faire tout à l'heure le tape à l'info mec, avant de vous balancer quelques infos balayux, Jonathan, tu as mal au dos, tu t'es ramassé la gueule hier. Comme chaque dimanche on va avec toute l'équipe. Mais en boîte. Tu sais que maintenant j'y pense. On les embrasse d'ailleurs le You, Sylvain, tout ça ouais. Est-ce que c'est pas toi qui m'aurais poussé? Ah. Tu me connais bien. Voilà, j'étais un peu éméché, donc je me suis pas rendu compte vraiment de la situation. Mais ça me paraît bizarre. C'est vrai que j'aime le malheur des gens. Et j'aime te voir te faire mal. Surtout bien, ouais, a priori, ouais. Voilà, donc je. Mais comme tu sais que je prends soin de mes équipes, Jonathan. Off. Tu m'as appelé tout à l'heure, t'étais vraiment pas bien. Ouais, c'est vrai. Tu m'as dit, Mike, je vais partir à l'hosto, je suis vraiment pas bien. Est-ce que je peux ne pas faire l'émission? Ouais, est-ce que je peux la faire coucher, etc. Je dis, de toute façon, à chaque fois que tu viens, t'es traité en roi ici. Alors on va continuer à te traiter en roi, Jonathan. Oui. J'ai fait venir Cindy, oui. Qui est là, qui est venue avec la plus grande générosité. Tu peux venir au micro, Cindy, s'il te plaît? Tu veux pas parler dans le micro? Alors, juste, pourtant, elle a une belle voix. Dis juste bonjour, Cindy. Bonjour. Bonjour, Cindy. Tu viens de loin en plus? Tu viens de Namur? Enfin, il me sait près de Philippeville. D'accord, ok. C'est combien de kilomètres, à peu près? Je sais pas. Non. 70 km. Comme d'accord, ok. Bon, de toute façon, on mettra du cadeau pour Cindy, j'ai déjà dit. Et attention, donc Cindy, tu es kiné, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord, c'est quoi l'appellation exacte? Kinésithérapeute. D'accord, prends-moi pour un con. Mais là, pour le coup, t'es kiné. C'est quoi l'appellation? Bah, kinésithérapeute. Non, mais je sais pas parce que t'as kiné des. Enfin, après, il y en a qui ont des spécialités diverses. T'as le kinépolis aussi, mais c'est un cinéma, ça. Donc, alors, je vais te poser des questions, Jonathan. Oui. Si tu réponds bon, oui. C'est Cindy qui s'occupe de toi, pas de soucis. D'accord? Oui, l'intérêt. Si tu ne réponds pas bon, oui. C'est Zezel qui s'occupe de toi. Je peux pas directement choisir la personne qui va le faire là? Non, c'est Zezel. Ah ouais. Non, mais. Si, c'est moi. Quoi? Et excuse-moi, mais il a le triple des mains que moi. C'est le principe. Si tu réponds pas bon, voilà, punition, Zezel. Oui. Si tu réponds bon, récompense. D'accord. T'as compris? Oui. Bon, alors on va se faire ça. J'ai préparé quelques questions là, Jonathan. Mais t'as mal où au dos? Bah, j'ai mal au dos, enfin c'est en dessous de l'omoplate en fait. Je sais pas comment expliquer. Comment ça s'appelle d'ailleurs? C'est où l'endroit où j'ai mal exactement? Au cul. En fait, c'est au niveau des côtes, mais au niveau des. Ouais, c'est ça, au niveau des côtes. Ouais. Et ça fait super mal. Hein. Mais on peut faire quoi pour le soigner dans ces cas-là, même pour tous les gens qui ont mal au dos, etc. Est-ce qu'il y a des trucs simples pour soulager des douleurs au dos? Bah, des trucs simples déjà, faudrait savoir ce qu'il a. Mais vu qu'il a pas pu passer sa radio, ça va être compliqué. Ouais, parce qu'en fait, on raconte tout. Bah, aussi. Il bosse à Fun Radio, il y a pas de mutuelle. C'est ça. Mais j'ai une mutuelle, je suis juste porneur, donc c'est à dire que tout à l'heure j'arrive, je suis à l'accueil là de l'hôpital à Jette et la meuf elle me prend ma carte de mutuelle, ma carte 6, et elle me dit que je suis pas en ordre et que je suis pas en ordre de mutuelle, que donc en gros ça passe pas ou bien je vais devoir payer le prix plein. Et en gros, le prix plein, si je veux faire une radio et tout ça, bah, ça s'élève entre 200 et 300 euros, tu vois. Et je bosse à Fun comme tu viens de le dire, donc c'est un peu compliqué. Donc tu es reparti chez toi. Je suis reparti chez moi. Tu m'as dit c'est bon, viens me chercher. Rodi, essaye réparer le tube en gel radical. Ça marche apparemment. Ma mère m'a dit un truc, ça finit par. Ça marche bien ça, tu connais Cindy? Oui, ça va bien, mais vu qu'il a une plaie, on peut pas mettre dessus. D'accord. Ouais, c'est ce que c'est ça en fait. Je peux juste mettre de la crème hydratante, on m'a dit. Ah, parce que tu t'es gavé, mais t'as pas fait les choses à moitié. Hein. Ah, non, mais là, rouge sang quoi. Bon alors, attention. Oui. Je te pose des questions. D'accord. Questions qui sont tombées aux examens cette année. Ah. Ouais, comme tu dis. Quelle expression utilisait Aristote pour. Quoi? Aristote, laissez cacher. pour qualifier le caractère par nature sociable de l'homme. Déjà, propositions. Oui, parce que déjà je comprends pas la question, donc. C'est facile. Quelle expression utilisait Aristote pour qualifier le caractère par nature sociable de l'homme? Vas-y, proposition. L'homo voilà. Naturel, la plante politique, l'animal politique ou le maître Gibbs? La première, l'homo naturel. L'homo naturel. Oui. Zezel va t'en occuper. Ah oh oui. Non mais oh oui. Fais gaffe mec, oh, fais gaffe, je te jure fais gaffe. C'était l'animal politique. Vas-y, allonge-toi baby. Non, je vais pas m'allonger, déjà je peux pas bouger, donc tu vas t'occuper, mais tu vas le faire très très bien. Parce dépêchez-vous s'il vous plaît, 23h43. A ton aise, inquiète. Oh non, attends, putain, vas-y. Où que t'as mal? Bah, je vais pas te le dire, sinon tu vas appuyer dessus. Ah mais, allez, y... C'est bon, Zezel, merci, merci. Bien sûr. On verra après la prochaine. On y va doucement pour cette question. Parce que je sens qu'il va y avoir pas mal de mauvaises réponses. Quand est apparue l'organisation, l'ONU? Ah, je sais. Mais je veux quand même les propositions, mais je crois que c'est dans les années 90. À la fin. Ah non, c'est après à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Après la mise en examen de Nabila. Non, à la fin de la Deuxième. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, j'en suis sûr. C'est bon, c'est une bonne réponse. Cindy, je t'en prie. Soulage-le un petit peu. Non, je si j'ose ça, dire. Parce que là, il y a le dossier de la. Hop. Mais c'est quand même gros parce que franchement, je l'ai montré tout à l'heure à ma mère et elle a fait. Ah, on prend Snap, on peut le mettre sur Snapchat. Jonathan, sur le Snapchat de l'émission Make Up and Space. On peut s'en passer. On est d'accord, les gens sont pas levés ce matin en disant faudrait que je voie le dos de Jonathan sur Snapchat. Attends, il y a un truc qui est quand même bien et c'est vraiment pas de la lèche ce que je fais, mais par contre. Tu vas t'endormir, je crois. Non, pas du tout. Occupé de se faire masser par Cindy. Mais ça fait vraiment du bien parce que tout à l'heure, même le fait d'appuyer un petit peu dessous, de toucher, ça me fait super mal. Et là, elle y va dessus et c'est. Voilà, je sais pas comment finir cette phrase, surtout que le début a très très mal commencé, mais. Alors, attention. Prochaine question. En quelle année? On va faire celle-là. Parmi ses œuvres. Oui. Laquelle est de Flaubert? Gustave? Mm-hmm. Vas-y. Les Trois Mousquetaires, L'Éducation Sentimentale, Les Misérables, Moi, Mélanie, Musulmane et Française. Diras. Les Misérables, non, c'est Victor Hugo. Les Trois Mousquetaires ou L'Éducation Sentimentale, il reste. Je dirais les. Putain, en plus, le pire, c'est que. Oh, j'en sais rien. Les Trois Mousquetaires. Non, ça m'étonnerait. Les trucs sentimentaux. Ah non, les Donc tu me dis? Mike, le truc sentimental. Mike, dis-moi que c'est ça. Le truc sentimental. Répète-moi les propositions, s'il te plaît. Trois Mousquetaires, Éducation Sentimentale, Misérable ou Moi, Mélanie, Musulmane et Française? This one, l'éducation sentimentale. Ouais, bonne réponse. Cindy, tu peux y aller. Ah bah t'as de la chance, hein, parce que j'ai pas fait des questions très compliquées. D'ailleurs, Zezel m'avait préparé des questions, mais walou, pas signe de vie des questions. Alors, on en fait une dernière. Vas-y. Quels sont les différents peuples du Proche et du Moyen-Orient? Est-ce que c'est les Kurdes, les Turcs et les Kouachi? Les Arabes, les Turcs et les Perses? Les Républicains et les Le Pen? Ou les mecs qui se font emmerder par l'État islamique? J'allais dire les Kurdes jusqu'à ce qu'il y ait Kouachi derrière. Donc je vais simplement dire les Arabes. Ah, non, ouais, enfin, y va quoi quand même. Répète la deuxième. Sur la question, putain. Non, justement, c'est les Kurdes, les Turcs. La première, c'est les Arabes, les Turcs, les Perses, les Kurdes, les Turcs. Oui, c'est ça, c'est avec les Perses. Les Turcs, les Arabes et les Perses. Une bonne réponse. En même temps, les autres, excuse-moi, mais c'était Kouachi, Le Pen ou Le Perse, donc. Ouais, mais c'est facile, je t'ai dit, je prends soin de mes équipes, voilà. On en fait une petite dernière. Oui, avant que je m'endorme, parce que vraiment, question, ça fait du bien. Ouais. Non, attends. Je vais te les poser. Je vais la poser à Jonathan. Jonathan. Oui. C'est la dernière. Et ça fait vraiment du bien, là. Je suis à deux doigts d'avoir un orgasme. Hein. Non, t'es encore en train de te faire masser. Quelle est la longueur? 22 cm. Quelle est la longueur du Nil? Du Nil? Est-ce que c'est 6670 km de long? Attends, 6600, non, je les note hein, parce que je suis pas très doué. Vas-y. Est-ce que c'est 4580 km de long? Ouais. Est-ce que c'est 10 960 km de long? Ouais. À toi de répondre. Mais déjà, le Nil de quoi? Nil de Pâques? J'en sais rien, moi. Nil Van Zand. Nil, j'en sais rien, au hasard, je dirais 6600. J'en sais rien du tout. 6600 combien? Bah, j'ai 6660. Ah merde, non, c'était 6680. J'en sais rien, c'est 6600 et quelques, là. Non, c'était 6670. Zezel, tu peux t'en occuper, oh, oui, s'il te plaît. Mais c'est un come crime. On, baby. Merci, merci Cindy. Oui. Mais tu vois que Cindy vient de super bien le faire, le mec il repasse derrière et il va tout me niquer. Putain!

Ah, on a un nouveau générique. Ah, attends. Un petit générique, on a révisé. Non, on a révisé, T'as pas l'info. Voilà. Hashtag tristesse de la bande FM. Alors Zézé, non mais attends, mais faut dire la vérité aux auditeurs. Non, on va éviter. On a répété une heure avant. Ouais, avant l'émission. Pas une heure, non. On a bien répété. Une heure, on le faisait toutes les quarts d'heure. Ouais, c'est ça. Bon, allez, c'est pas grave. David, tu commences ou tu laisses Zézé commencer? Bon, il peut commencer. Allez, Zézé. Honneur aux femmes. Oh. Pourquoi, ça clash. Pourquoi chaque fois on lui dit ça, le ouais, pauvre. C'est par rapport au match, hein, je suis sûr. Hein. T'as le niveau pour intégrer l'open space, mon pote. Bon, Zézel, je vais faire celle-là. Tiens, qu'est-ce qu'en fait un homme en 8,2 secondes? Mettre son pantalon. Non. Est-ce que ça a à voir avec ses vêtements? Non. Ça a à voir avec son travail? Non. Ça a à voir avec une cuisine ou sa vie privée? Non. Avec sa vie privée? Oui. Est-ce que ça a à voir avec quelque chose corporel? Non. Putain mec, c'est à voir avec son appartement? Non. Qu'est-ce qu'il pourrait faire en 8 secondes? Bah, 8,2 secondes. Est-ce que c'est par rapport à... Non, c'est pas vestimentaire, c'est... Je sais pas. Putain. 8 secondes. J'ai envie de te donner un indice, mais si je te le donne, tu trouves, alors... Allez, vas-y. Ouais, vas-y. Sentimental. Ok, faire l'amour avec sa meuf. Bah tu vois, c'est super solide. On peut lui dire n'importe quoi. T'as pas l'info, mec. T'as pas l'info, gars. 8,2 secondes, Mike. À ton avis, c'est quoi? Tomber amoureux. Oui, on va dire tomber amoureux, mais en gros, c'est avoir un gros coup de foudre. Un mec tombe, peut tomber amoureux, peut avoir un coup de foudre en 8,2 secondes. Donc, si le regard dure 4 secondes, il peut juste être impressionné. Donc, voilà, avoir une impression de la meuf, quelque chose, tout ça. Et s'il passe donc les 8,2 secondes, il pourrait déjà tomber amoureux et être amoureux. Mais par contre, le coup de foudre. Ouais, mais par contre, le sondage, il fonctionne pas avec Stevie Wonder, Gilbert Montagné et Ray Charles. Ah, hein, c'était facile, c'était téléphoné comme ban. Attention, David. Dave. Yes. Une nouvelle boisson pour chat a été inventée, mais à ton avis laquelle? Est-ce que c'est un genre de soda? Non. Du milkshake? Non. De l'eau aromatisée? Non. Du thé? Non. Du café? Non. Tu peux tous les faire. Hein. De l'alcool? Oui, de l'alcool, oui. Enfin, de la bière? Non. Vodka? Non. Whisky? Non, non. Vite, vite, vite. Plus traditionnel. Traditionnel. Ouais. Vite, vite, vite. Je sais pas. Mettre de l'alcool de tradition, enfin. Bah, c'est facile. De la poire. Ah, il est parti, loin. Non, c'était du vin, c'est ça? C'est exactement ça, ouais. Ah, je veux juste dire le nom de l'article. L'article, c'est du vin pour chat commercialisé. Le monde est miaou. Le monde est miaou, quoi. Il veut nous anesthésier l'esprit. Mais j'ai vu ça, je crois que... Même si l'info était bidon, je l'aurais quand même pris juste pour le titre. Donc, ouais, en fait, c'est du vin, mais ce sera pas vraiment du vin. C'est-à-dire qu'il y aura pas vraiment d'alcool dedans. Ah. Il y aura juste une substance qui s'appelle le cater. Qui aura donc le même goût que le vin. Et le cater, en fait, ça aura le pouvoir de faire planer les chats. D'accord. Voilà. Bon, après, je pense. Mais est-ce que comme les humains et tout, ils ont différents genres d'alcool? Parce que c'est nous, quand on boit, on peut avoir l'alcool mauvais et tout. Je sais pas, est-ce que si tu vois ton chat faire miaou miaou miaou miaou, tu sais qu'il a l'alcool mauvais, il est pas bien? Je sais pas, c'est une possibilité. Non, mais faudrait demander. Il faudrait demander, c'est pas con. Ils rendent vraiment tout n'importe quoi, les gars. Bon, on va s'arrêter là, les gars. Parce que bon, ça fait déjà. C'est quoi cadeau pour toi, David? Bah oui, il a trouvé ça, Zézé. On t'envoie ce qui peut te faire plaisir à la maison, mon David, ok? Ça marche, merci. Je te souhaite une bonne soirée, David. Un petit cri de supporter pour encourager les Diables là, pour le prochain match contre les Pays de Galles. Tous ensemble, tous ensemble. Hey hey hey. Merci, mon pote. 02851 4x0 pour faire comme David. Môme, c'est ce qui arrive dans 5 minutes. Ouais. Le son de Risa aussi qui allait. Je m'en fous dans l'émission. Bienvenue, tout le monde. Mike Open Space. Mike Open Space. Reviens tout de suite. Sur Fun Radio. Et le Facebook, c'est Mike Open Space. Allez faire un tour dessus. On vous attend sur la page. Gagnez votre paire de baskets Nike personnalisées grâce à Fun Radio. Fun. Dès lundi, écoutez Evan et la tribu de 6h à 9h. Et gagnez votre paire de baskets Nike entièrement personnalisées par vos soins en envoyant Nike au 6322. Un nouveau message. Merci Fun Radio, merci. Les cadeaux les plus fun, c'est uniquement sur Fun Radio. Le son dance floor. The best radio. My station. Fun Radio. Started out being friends. I had my girl and you had him. Would have known where it'd end. Cause I'm holding you back in the middle of the night, but we just ended up making. We both waited,

Space. On est sur Fun Radio jusqu'à 2h du matin, minuit passé de 2 minutes. Merci de nous avoir choisis, les amis. On vous attend nombreux, nombreux sur la page Facebook, sur les réseaux sociaux de l'émission. Le Facebook, c'est Mike Open Space. Dans quelques instants, il y aura le JT déjanté, les titres à la une de l'actualité. Demain, nous allons faire également le Si Pas Bien avec une montre connectée qui a pécho. Juste après, nouveauté Fun Radio. On a été les premiers dans toute la Belgique à vous la jouer. Voici Mom. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've had these grooves. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it all. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. Somehow. Suddenly it's all real. The unknown. Merci de nous avoir choisi, les amis, c'est l'Open Space. 02-851, 4x0, Mike Open Space sur Fun Radio. Et minuit 6 en direct avec vous tous et vous toutes. 02-851, 4x0. Il y aura le Si Pas Bien dans quelques instants. Vous pouvez vous inscrire pour jouer avec nous au Si Pas Bien. Une seule solution pour tenter de repartir avec une montre connectée si vous tenez toutes les règles drastiques du jeu le plus dur du monde, c'est d'envoyer un SMS maintenant 6322. C'est 2€ par message. Vous commencez le message par M-I-K-E, vous rajoutez numéro de téléphone et le code Si Pas Bien et vous serez avec nous dans quelques instants pour essayer de nous piéger. Minuit 7, l'heure de se faire les titres à la une de l'actualité. On a plein de messages qui nous demandent pourquoi Coralie n'est pas là ce soir. On le saura après. Voilà, je vous dirai tout dans quelques instants. J'essaierai même de l'appeler en direct, de me réconcilier avec... je sais pas si je dois l'appeler ma copine ou... On t'aidera, on t'aidera. Ah non, mais je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Ouais, mais ça se voit, tu m'as appelé tout à l'heure, t'étais pas bien. Ah, je t'en pleurais. Je voulais juste dire un truc. Pour mon dos, il y a Cindy qui m'a mis des aiguilles. Ah, ça va mieux. Ça va mieux parce qu'elle m'a fait une petite séance d'acupuncture. Ça va vraiment super bien. En tout cas, enfin, super bien. Il y a ma plaie qui fait toujours mal, mais ça va vraiment mieux. Et je te remercie, Cindy. Ça fait vraiment plaisir. Merci beaucoup, Cindy, d'être passé dans les studios. Ce soit un bon retour. Et 70 km en plus, Cindy. Donc c'est vraiment cool d'être passé. Minuit 7, voici l'heure des titres à la une de l'actualité demain. Voici l'heure de vous donner le JT déjanté. Transformation Mike Morello, fils caché de notre ami Carlo. Hello Gonathan. Hello Zezel. Hello à tous. Coup de tonnerre pour les éleveurs. Et oui, il semblerait que le fait de consommer du steak haché soit également mortel pour le bœuf. Mike est copain avec les plus grandes stars. Oui, je suis ami avec Rihanna sur Facebook. Et en plus, elle parle super bien français, elle m'a même demandé des thunes. Les problèmes. Vie de couple. Oui, si votre femme est de plus en plus distante, qu'elle ne veut plus faire l'amour et qu'elle se laisse aller, pas de doute, vous avez fait la boulette. Vous êtes marié. Fais gaffe à toi, je veux dire. Zéro rage, zéro désespoir, zéro vieillissesse. Non, je recommence. Oh rage, oh désespoir, oh vieillissesse. On l'a refait ou comment ça? Il y a marqué oh rage, oh désespoir. Mais c'est un O majuscule. Non mais je pense que là on arrête. Je pense que là on arrête. Non, je pense que là on arrête. On s'arrête. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Attends. Mike Open Space avec Jonathan jusqu'à 2h sur Fun Radio. Si la connerie Sandy était de l'essence, tu serais un émir du Qatar. Allez, laisse tomber là. Mais en même temps, c'est un O majuscule, tu vois, t'avais qu'à mettre un. Mais tu connais pas orage ou désespoir ou billet, bien sûr, avec un accent circonflexe dessus, monsieur. Voilà. Mais oui, mais t'as qu'à lire les trucs avant de. Mais je les ai lus, je t'ai lire à l'antenne. Bon, Jonathan, je crois que tu m'as fait la meilleure blague du JT déjanté. Je suis obédère là. De l'année, et il y a Cindy qui te regarde affligée. Voilà, je sais pas. Finalement, les en plus, ça a dû les mettre dans ma tête, tu vois. Mais Cindy, elle se dit, j'ai fait des études et tout pour devenir kiné, je me retrouve là ici ce soir à Fun Radio, quoi. Bon, Zezel, dans quelques instants, si pas bien, tu m'appelles tout le monde. Exactement, ouais. Le jeu le plus dur du monde. Tiens, Zezel, je vais te piger. Est-ce que tu connais les règles du si pas bien? Ouais, je les connais. Vas-y. Alors, il faut pas dire les trois mots, donc les mots si pas bien. Il faut pas répéter deux fois le même son. Et il faut pas surtout pas laisser deux secondes de blanc entre chaque réponse. Toute la Belgique s'est endormie. Je sais. Bon, sauf merci Zezel. 6322, vous commencez le message par MIKE, 2€ par message, et vous serez avec nous dans quelques instants pour repartir avec peut-être une montre connectée. Voici le son des Shinsekai sur Fun Radio, et on va se faire plein de choses aussi ensemble. Il y a Maître Kevin qui arrive très vite. Ouais, on fera tourner la roue des jeux. Et la lettre, l'ultime lettre de la dernière chance aussi. Ah ouais. Voici Alter Ego sur Fun, bonne nuit. Je n'étais plus rien, tu m'as redressé. Te donner le meilleur, j'essaie. Une femme comme toi, comment laisser? Tout ce que je ressens, Dieu seul le sait. Je peux compter sur elle, on se connaît. Toi et moi c'est pareil, ton pied, mon pied. On est passé du pluriel au singulier. Il n'y a qu'à tes côtés que je suis complet. Plus rien ne me manque quand tu es là. Tu es là, tu es là. Plus rien ne me manque quand tu es là. Tu es là, tu es là. Et tu me comprends sans que je dise un mot. Ceux qui nous voient divisés ont tout faux. Supprimer les faux. On ira plus loin ensemble que solo. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Face à mon miroir, tu es le reflet de mon âme, la seule et unique amie qui m'aille. Et parce que j'ai confiance en toi, je te laisserai décider pour moi. On se comprend même sans se voir. Et si ce monde est faux, tu es la seule chose qu'il me restera de vrai. Souvent j'en perds mes mots et seul le très haut sait à quel point je suis fier. Et tu me comprends sans que je dise un mot. Qui nous voit diviser en tout faux. Supprimer les faux. On ira plus loin ensemble que solo. Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. Ce que je suis, ce que j'étais. Je ne laisserai personne te blesser. Tu m'as piqué, ce qui est fait. T'es mon ami, mon double et mon bébé. T'es ce que je suis, ce que j'étais. Je ne laisserai personne te blesser. Tu m'as piqué, ce qui est fait. Ce qui est fait, ce qui est fait. Et tu me comprends sans que je dise un mot. Ceux qui nous voient diviser ont tout faux. Supprimer les faux. On ira plus loin ensemble que seul. Et tu me comprends sans. Qui nous voit diviser en tout faux. Supprimer les faux. On ira plus loin ensemble que solo. Ta ta ta ta ta. le bordel. 02 851 4x0, Mike Open Space sur Fun Radio. Minuit 13 en direct, encore 4 émissions avant, oui, la fin de la saison. Les amis, je suis en rasera, putain. Mais moi, je plus pas... ça se rapproche, plus je me demande qu'est-ce que je vais foutre à partir de lundi prochain. C'est ça. En fait, je sais pas si je dois être content pour la fin d'émission, parce que je sais qu'on va faire une grande fête jeudi et que ce sera à mon avis la meilleure émission de l'année, même si toute celle d'avant. C'est un peu trop tard, hein, mais bon, enfin non. Non, on va la faire comme toutes les autres, cette émission. Oui, mais toutes les autres sont magnifiques, mais alors celle de jeudi, à mon avis, elle volera dessus. Mais par contre, ne te lance pas des fleurs non plus, attends. Arrête, je sais très bien que sans moi, cette émission serait. Serait mieux en fait. Serait plus rentable. C'est encore là en septembre. Ou bien si je dois être triste et me dire que je vous verrai plus pendant des mois et tout. Par contre, on a un truc qu'on va tenir, on l'a dit hier avec Mike, Zezel, t'es d'accord, on se l'est dit aussi la semaine passée, c'est que le loto foot, on va le tenir jusqu'à la fin. Ah ouais, c'est vrai, non, parce que le loto foot, putain, tous les trucs. Sachez-le, hein, le loto foot, on est tous à fond dessus dans l'équipe. C'est, pour moi, c'est le meilleur jeu. C'est-à-dire qu'on s'envoie des SMS, j'ai eu Maître Kevin deux fois ce week-end au téléphone, je jure que c'est vrai, il m'appelle jamais, hein, le gars. Il m'appelle, il me fait frérot, j'exige un point de plus parce que j'ai trouvé le bon buteur pour la Belgique. Excuse-moi, il a trouvé le premier buteur, ok, il y en a eu trois autres. Alors tu peux trouver le premier buteur, mais tu dois aussi trouver les trois autres. Les trois autres, ouais. Merci, je suis au BDR, tu vois, ça va pas me manquer par exemple. Minuit 14 sur Fun Radio. D'ailleurs, putain, je vous jure que c'est vrai. Ah oui, il raconte. Les délires. Je vous parlerai de Coralie dans quelques instants. Donc, ma meuf, mon ex-meuf, je ne sais pas. En tout cas, Rachel, rappelle-moi. tu messages comme ça. Mais Coralie m'a raconté que je parlais dans mon sommeil. Oui, mais est-ce que vous faites ça, vous? Est-ce que dites-moi au 3044, est-ce que vous parlez dans votre sommeil? Est-ce que vous avez déjà dit des trucs assez embarrassants? Parce que moi, apparemment, j'ai dit des trucs assez embarrassants, assez gênants. Mais moi, je parle pas. Disons que je fais des bruits. Ouais. Mais je fais des bruits tout le temps, tu t'en rends compte, que genre je prends un truc ou je dépose un truc, je me baisse, je fais. Non, c'est-à-dire que Jonathan, il peut, je sais pas, il se baisse pour ramasser son stylo, il fait. Mais pas du tout volontairement, hein, il fait. Non, mais arrête, t'exagères. On dirait que le gars est à Wimbundle, il a Wimbundle, c'est le gars. C'est. Excuse-moi, j'ouvrais la porte du micro-ondes. C'est mes anciennes manies de joueur de tennis professionnel qui reviennent à la surface, donc voilà. Bien sûr. Et donc, dans mon sommeil, Coralie m'a raconté. Je suis tellement à fond avec l'imitation des tuches que je le fais dans mon sommeil. Ouais. Et donc, elle m'a dit, tu peux faire un rêve une fois. Tu peux pas faire 52. Elle t'a dit ce que tu disais ou pas du tout? Non, elle m'a pas dit. Elle m'a pas dit ce que j'ai dit. Elle a pas voulu me dire parce qu'après on s'est embrouillé pour autre chose. Je vais vous raconter ça dans quelques instants. Mais... j'ai dit le prénom d'une personne qu'il ne fallait pas. Enfin, d'une autre personne. Ah, Jeff donc, Tuche. Donc, ça lui a pas plu. Ouais, donc ça lui a pas plu. Et là, je vous raconte pas. Scène de ménage, les gars. Ouais. Tutti quanti. Il y a eu les assiettes qu'on volait aux quatre coins de la pièce. C'est parti en couille. Elle a pleuré. J'ai mis ses affaires dehors. Elle est partie. Et puis tu t'embrouilles avec Vince. Hein? Et puis tu t'en. Ah, mais ça c'est autre chose, ça. Oui, je sais. Ça c'est autre chose. Ça va, t'es pas obligé de tout balancer à l'envers. Arrête, vous en avez parlé tout à l'heure. Ouais, non, on s'est pas embrouillé. On s'est eu au téléphone, quoi. Échange de testostérone. Voilà, c'est tout. Il m'en faudrait une musique de western là maintenant, tout de suite. Allez, minuit 16, on y va. Voici les titres. Voici l'heure du Si Pas Bien sur Fun Radio. Le jeu le plus dur du monde, oui. Et il reste 4 sessions, aussi pas bien 4 chances de nous battre maintenant en vous inscrivant au 63 22. Vous commencez le message par MIKE, c'est 2€ par message. Il y a 4 personnes dans le standard. Rappelle-moi les règles, Jonathan, du Si Pas Bien. Les règles du Si Pas Bien, il y a 3 mots à pas dire. Le Si Pas Bien, faut tenir 30 secondes, pas faire 2 fois la même réponse et 2 secondes de blanc. Exactement, vous tenez comme ça 30 secondes, vous repartez avec une montre connectée. Coup d'envoi du Si Pas Bien. Les go. C'est le Si Pas Bien, bien dans Mike Open Space. Le jeu le plus dur du monde. 02 851 4x0. Serez-vous à la hauteur? Et on va prendre Benoît qui est là. Allô Benoît. Hello Benoît. Oui, bonsoir. Bonsoir Benoît, comment va? Tu. Comme d'habitude. Ah, il y a 2 fois E dans comme d'habitude. Comme d'habitude. Au revoir. Oh l'enculé. Hashtag enfoiré. J'ai plus la musique de la loose. Qu'est-ce qu'on m'a fait? Pourquoi on m'a saboté ma musique de la loose? C'est pas ça. J'ai perdu ma musique de la loose, je suis pas bien. Mais je non. Ne continuerai pas ce Si Pas Bien tant qu'on ne m'aura pas remis ma musique de la loose dans mon répertoire. Dans ma machine. T'as cru quoi? Voilà, ça ne fonctionne plus. Bon, c'est pas grave. Hein. Thibaut. Allô. Bonjour, attends. Ça va Thibaut? Super. Tu fais quoi? Je joue. Tu joues à quoi? Minecraft. À quoi? Call of Duty. Ah d'accord. Et t'as fait quoi ce week-end mec? J'ai chillé avec mes potes. Ah, je joue, j'ai chillé avec mes potes, 2 fois j'ai. Non, mais ça va, ça passe, c'est jeu, j'ai. Digé. Et bah là, par contre, ça fait 2 fois que tu digé, frérot. Ah, putain, merde. Et voilà, Thibaut, ne bouge pas, ne vous laissez pas piéger. Putain, des fois, on lance des petits pièges comme ça. Mais ouais, bien sûr. Quentin, et là, allô, Quentin. Salut. Alors, Quentin, content de la victoire des Diables? Très content. Bon, t'as fait quoi? T'as maté le match avec les potos, avec la famille, avec ta meuf? Exact. Avec qui? Tout le monde. D'accord, ok. Et ton analyse footballistique alors? diaboliquement bon. Et tu penses qu'on peut passer contre les Pays de Galles? Effectivement. D'accord. Diaboliquement, effectivement, deux fois le son. Ah, merde. Deux adverses. Et voilà. Quentin. C'était pas mal, Quentin. Combien de secondes pour Quentin? 23. 23 secondes, Quentin. Meilleur score de la soirée pour le moment. Ne bouge pas, frérot. Chris, pour Jonathan. Hello, Chris, ça va? Ouais, super, et toi? Ouais, tranquille, tranquille. T'as fait quoi ce week-end, mec? Oh, pas grand chose de près. Pas grand chose. Le son pas, Chris. Eh oui. Et c'est dur à pas dire, hein. Si pas bien. Pas deux fois le même son et pas deux secondes de blanc, c'est compliqué. Hein. Mais ça vient instinctivement en fait. Ouais, c'est ça. Bah c'est comme le ni oui ni non en fait. C'est ouais, c'est con. Un peu sur le même concept. Tu le sors sans t'entendre le dire. Benoît est là. Oui, je suis là. Ouais, Benoît. Bon, t'as maté le match avec qui hier toi? Bah, si tu l'as maté. Tout seul. Tout seul, d'accord. Et tu penses qu'on a des chances pour le match face au Pays de Galles? Sûrement. Un pronostic? Oh, demi-finale. Non mais un pronostic pour le match. Oh, 4-0. Deux fois oh. Oh, c'est perdu. Pas mal quand même. Combien de secondes? 23. On est pas mal, Benoît. Bonne soirée, Benoît, c'est perdu. Ouais, merci. Bon, tu peux nous rappeler avant la fin de la saison. Salut, Benoît, on est coupé, Benoît. Ouais, il y a quelque chose qui se passe, Benoît, il y a une bombe. Sors de là, Benoît. Très désagréable. D'ailleurs, tu dois raconter une anecdote aussi avec Aurélie tout à l'heure. Ah, c'est bon, elle doit raconter pas mal de choses. On le fera tout à l'heure. Oui, tout à l'heure. Thibaut, tiens, pour toi, Jonathan. Thibaut, ça va? Super. T'as écouté le début d'émission là, la meuf qui fait des trucs chelous avec Harry Potter là? Non. Non? T'en fous complètement en fait? Un peu. Au moins c'est clair, au moins c'est précis. Bon mec, tu vas faire quoi là aujourd'hui? Enfin demain plutôt. Aller chez un pote. Chez qui? Renault? Le chanteur? C'est une voiture ça non? Non, c'est mon voisin. C'est qui? J'ai pas entendu. C'est mon frère. Bah t'as c'est, mon, fois, mon. C'est mon, mon, c'est mon, mon voisin, c'est mon frère. J'ai très chaud. Bonne soirée Thibaut, combien de secondes pour Thibaut? 28-27. Ouais, 28 secondes 27. Et 27 centièmes pour toi Thibaut, meilleur score de la soirée. Big up, papa, tu t'en passes des ailes. Bravo mec. Quentin. Oui, tu vas essayer de battre ton record. T'as fait combien tout à l'heure? 23 je crois. Je pense. Tu penses, t'avais fait combien de secondes? 23. 23 secondes, bon, très bien. T'as quel âge Quentin? 24. Et bah 22 fois. 22 fois. Salut. Oh, putain, bâtard. Salut, bonne soirée. Bonne soirée, Quentin. Hey, c'est bien ça. À bientôt dans l'émission, frérot. Ah, ça, c'est le talent. Et ça. Voilà. Le talent. Que tu me jettes des fleurs, fais-toi le dernier. Enfin, fais-toi le dernier. Oui, bah je vais. Molo quand même. Chris en plus. Bonsoir, le dernier Chris. Ouais, je sais, on appelle Jésus, mais c'est pas grave. Je sais, tu n'es pas le dieu du si pas bien en tout cas. Pauvre, bonne soirée, Chris. Seul. C'est perdu. Ouais. Je vais aller crisper ailleurs. Ouais. J'ai pas compris mieux, c'est marrant, c'est pas grave. A bientôt, Chris, dans, plus dans l'émission. 02 851 4x0, ouais. Pour vous inscrire. Demain, retour d'ici pas bien. Oui. Dès 23h sur Fun Radio, on garde cette montre connectée. Bien au chaud. Il est minuit 21. Dans quelques instants, Jonathan, qu'est-ce qu'on fait? On va tourner la roue des jeux là. On va aussi se faire un défoule room. Ah, les défoule room qui sont en préparation. Oui, j'aime beaucoup. Et j'appellerai Coralie. Ah oui. J'appellerai Coralie, je vais essayer de rabibocher et de relancer mon histoire avec Coralie. Voilà, je me suis embrouillé avec elle. Elle a comme fait la fionne. Que dalle. Voici Mike Posner. I drive a sports car just to prove I'm a real big baller, cause I made $1 million and I spend it on girls and shoes. But you don't wanna be high like me, never really know why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. I know a sad soul. I get along with old timers cause my name's a reminder of a pop song people forgot. And I can't keep a girl, no, cause as soon as the sun comes up I cut them all loose and work's my excuse. But the truth is I can't open up. And you don't wanna be high like me, never really knowing why like me. You don't ever wanna step off that roller coaster and be all alone. And you don't wanna ride the bus like this, never know who to trust like this. You don't wanna be stuck up on that stage singing, stuck up on that stage singing. Oh, I know our sad souls, sad souls. Darling, all I know are sad souls, sad souls. Open Space. Go 02 851 4x0. Mais soyez bons. Minuit 25 sur Fun Radio. Merci de nous avoir choisi, les amis. C'est l'Open Space dans vos oreilles jusqu'à 2h du matin. Vous débarquez, ouais, sur les réseaux sociaux de l'émission, sur le Facebook. Je vous attends. Venez rejoindre la famille Open Space. Vous tapez Mike Open Space. On vous met plein de statuts. On peut parler avec vous en plus en plus, bien sûr, pendant l'émission. Il y a la Snapchat aussi. C'est Mike Open Space, mon compte Snapchat. Je vous mets plein de photos, vidéos sur les coulisses. Et le Twitter Mike Fun Radio. Je vous follow back. Comme ça, on se suit mutuellement. Il y a Naskid qui arrive dans quelques instants pour le Sundance Floor. On va se faire run dans l'Open Space. Avec Trackstorm. Trackstorm. T'as mieux, Jonathan? Bah écoute, je vais être honnête avec toi, ça allait vachement mieux quand j'avais les aiguilles dans le pied. Là je viens de les enlever parce qu'il faut pas garder ça plus de 20 minutes. En tout cas je les ai gardées un peu plus de 20 minutes là. Et ça me refait de nouveau mal, mais c'est instantané. C'est-à-dire que je les ai à peine enlevées, j'essaie de nouveau d'aller avec mon bras là, et ça fait mal. Mais en tout cas le temps que ça fait mal d'accord. De vivre sans toi. Voilà, non mais le temps que j'avais les aiguilles dans le pied, ça faisait vraiment du bien. Donc je pense que je vais quand même aller passer une petite radio parce qu'on sait jamais. Ouais. Faut pas traîner avec ces choses là. Tu vois, on prend soin de toi dans l'Open Space. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Hein, tu crois qu'il va faire ça? Je sais qui t'a contacté. Tu crois qu'il va faire ça, Guillaume Play? Hein? Tu crois que tu vas l'appeler, tu vas lui dire j'ai mal au dos, il va te trouver un kiné pour le soir même? Bon, en tout cas, Guillaume Play est en vacances. En plus, on embrasse Cindy. Ouais, on l'embrasse. Merci beaucoup, Cindy. Qui est venu nous voir de loin, qui est dans la voiture. Là, on l'embrasse avec Juan aussi. Bon, allez, minuit 26 sur Fun Radio. Bon, faut que je vous parle. Oui. Parce que j'ai mon petit cœur qui est tout brisé. Qu'est-ce que t'as fait encore? Ah oui, avec Coralie. Bon. J'ai passé un week-end sympathique avec Coralie, voilà, on n'a rien foutu, on est parti au resto, au ciné, ouais, on est parti voir, comment ça s'appelle ? Conjuring. Conjuring 2. Je sais mieux ta vie que toi en fait. Conjuring 2, ouais c'est pas mal. Ok. Enfin bref, et bon, moi j'avais plus peur par rapport à Coralie qui était assise à côté de moi que par rapport au film, mais bon. Et après tu t'étonnes que c'est fini. Ouais, je pense que c'est à cause de ce genre de vanne qu'on en arrive à cette situation très extrême avec Coralie. Ce matin, elle a quitté l'appartement. Sans mots, sans rien, sans aucune explication. Elle m'a dit tu parles pendant ton sommeil, c'est tout. Je vous ai dit qu'elle m'a raconté l'anecdote des tuches, enfin que je faisais l'accent des tuches. Ouais. Disait, tu peux faire ça une fois. Je le fais pendant que je dors, donc je la fais chier toute la nuit et toute la journée. Et en plus quand je dors, j'arrive à la faire chier. Mais tu dois être une vraie tanasse en couple en fait, ouais. Ah ouais, tu penses? Bah écoute. Bah écoute, c'est mon avis. Et donc j'étais vraiment. Et voilà, elle est partie. Donc elle m'a dit tu parles pendant ton sommeil. Ouais. Je suppose que j'ai dit un nom qu'il fallait pas. J'ai dit quelque chose qu'il fallait pas. Donc c'est pour ça que je vous demandais si ça vous est déjà arrivé de parler pendant votre sommeil. Bah je suis pas assez con pour faire ça, non. Bah non, mais c'est tu contrôles pas. Bah je vomis pendant mon sommeil, je me suis déjà fait pipi dessus il y a pas longtemps en ayant trop bu pendant mon sommeil. Et là je me rends compte que je me confie trop, mais j'ai jamais balancé de nom, tu vois. Ah ouais, oui, c'est vrai. Je vais pas revenir dessus, mais c'est vrai. Raconté que tu t'es fait caca dessus également. Non, ça c'est vrai, ça c'est vrai, vrai, vrai, vrai, vrai, de vrai. Mais je me suis. En avion, oui. Non, il y a une semaine. Ah oui, on venait de boîte de nuit et il avait pris allez, bon, voilà. Donc je vais appeler Coralie parce qu'elle est partie. J'ai pas de nouvelles. J'ai envoyé des messages toute la journée. Elle me répond pas ou alors elle me répond va te faire foutre. Oui. Bah, c'est déjà au moins, elle te répond un truc. Donc là, je lui dis que j'avais une pause dans l'émission. T'as été ou pas? Elle nous écoute pas, je sais, parce qu'elle est en train de dormir. T'as été ou pas? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Te faire foutre. Je comptais. Pas qu'elle va répondre. J'ai dit que j'allais l'appeler, elle m'a pas répondu. Mais là, t'appelles en numéro masqué là. Ouais, mais parce que. J'ai dit que je vais appeler de la radio en fait, et tous les numéros de la radio appellent en masqué. Elle va pas répondre. Attends. Allô? Ouais, bébé, c'est moi. Pourquoi tu m'appelles? Je t'ai dit que j'allais t'appeler là, j'ai une petite pause là. On passe un petit best-of là. Tais-toi, il est minuit et demi, je suis en train de dormir. Coralie, mais pourquoi t'es partie ce matin? Non, tais-toi! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Attends, excuse-moi Coralie, mais je vais pas commencer à crier, mais on a passé un très bon week-end et qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce matin tu te barres comme ça sans rien dire? J'ai rien compris moi. Allô? Voilà. Allô? Je t'entends pas. Allô? Ouais, t'es où? Je t'entends pas. T'es pas chez toi. Allô? Mais si, enfin, tais-toi un peu là, je te parle. T'es où là? Mais tais-toi, je suis nulle part, ça te concerne pas. Je m'en fous de. Tu t'en fous d'où je suis, t'es sérieux? Bon, ok. Bon, et vas-y, bah pourquoi t'es parti alors? Dis-moi, explique-moi. Je vais reprendre l'antenne là dans 5 minutes, donc dis-moi s'il te plaît. Je m'en fous de l'antenne là, tais-toi. J'étais. Pas moi. Je prends ton PC 5 minutes, je commence à capter des messages avec des auditrices. Ah. Genre tu leur parles. Mais non, mais c'est pour la radio, tu sais, il faut entretenir des relations. Tais-toi, c'est pas tout. Genre, tu dormais ce matin, et t'as commencé à parler d'une meuf. D'accord. En lui disant, ouais, mais moi je t'aime toi, nanana, que des trucs comme ça. Ah bon? Toute la nuit, je suis. T'es sérieux, c'est pas possible. Tu m'appelles pas Fieu déjà, Coralie? Je t'appelle comme je veux. Non, mais non, tu sais très bien que j'aime pas ça. Non, mais je vais t'appeler Kate et tu vas pleurer ta race. Tais-toi. Non, mais attends, mais Coralie, tais-toi. Non, mais attends, t'es en train de m'accuser, mais je jure, je suis à deux doigts de faire un sujet là-dessus à la radio. T'es en train de m'accuser d'un truc que j'ai fait dans mon sommeil. Un sujet à la radio, tu verras, tout le monde va penser que t'es qu'un putain d'enfoiré de merde. De toute façon. Ah ouais, mais t'es comme ça. T'es en train de me clasher sur un truc que j'ai fait pendant mon sommeil. Non, un truc que tu fais sur ton sommeil, et tous les petits messages que j'ai vus aussi, hein, les oublie pas quand même. Mais c'est rien, mais est-ce que t'as vu des trucs concrets? Y'a rien, c'est juste du chat, du flirt. Tu racontes n'importe quoi, Coralie. Non, ça se fait pas quand t'es en couple, c'est tout, t'es juste con. Mais non. T'es un putain de blaireau là, vas-y, pourquoi tu m'appelles? Ben non, mais je t'appelais parce que voilà, j'avais envie de te voir ce soir. Non, mais je m'en fous, tu m'appelles pas, il est minuit et demi, je suis en train de dormir, tu vas pas me casser les couilles à cette heure-ci. Ouais, mais bon, moi je. Enfin, je sais pas, je voulais passer après l'émission. Non, tu passes après l'émission, t'es malade ou quoi? Je peux passer, je te rappelle. Donc là, il y a embrouille là, enfin, genre, c'est compliqué. Ah là, il y a embrouille, tu vois pas que je suis pas avec toi? Tu oses demander s'il y a embrouille? Non, mais parce que tu t'étais fait mal à la main. Ça va mieux d'ailleurs ta main? Non, ça n'a rien à voir, mais toi tu ne parles pas de maman, pourquoi tu me parles de maman? Mais parce que t'avais mal. Non, je m'en fous, mais t'es con. Je te parle d'un truc qui n'a rien à voir, tu commences à me parler de maman, mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, Mike? Non, mais bon, ok. Bon, je te rappelle après. Non, tu me rappelles pas, va te faire. Bon. Bah, elle a raccroché. C'est peut-être pas une bonne idée de le faire à l'antenne en fait. Je pensais vraiment que. T'es vachement relou en couple en fait. Quoi? Mais attends, tu rigoles quoi? J'ai fait quoi? Mais t'es chiant, genre la meuf elle veut pas que tu lui parles et t'insistes. Y'a rien de plus chiant. Bah non, mais moi je veux rabibocher. Laisse-toi désirer. Ah bon. Ça marche, à ce qui paraît ça marche. D'accord, fais-moi, je te suis. Attends, je suis vraiment pas bien parce que je m'attendais pas à ce qu'elle réagisse comme ça, Coralie. Bah, 30-44, dites-moi comment je dois le prendre quand. Bah, donc, quand je peux la calmer là. Tu connais très bien Coralie. Au moins, on a vraiment la preuve que Coralie est aussi chiante à la radio que à la maison. Ça, c'est la même, c'est la personne. Enculé, hashtag crevard de ouf. Bon, eh bien, je suis célibataire. Ouais non, je. Pourquoi t'es content? Je lui téléphonerai tout à l'heure. Et je la rappellerai demain dans l'émission. Et j'espère si elle n'est pas de retour demain. Je crois que parce qu'aujourd'hui elle était malade, donc je pense qu'elle revient chez Vince demain, enfin aux dernières nouvelles. À moins que ça se prolonge un petit peu sa maladie, mais je suis pas bien en fait là. Mais c'est pas grave, Maï, ça va aller. Non, je suis vraiment pas bien. Et puis n'oublie pas que regarde, mercredi je dois te faire la lettre de motivation. On va parler de ça aussi parce que Zezel a pas eu le temps de la faire la sienne, alors il voulait que tu la fasses en fait ce soir à ta place. On va en régler. Il y aura la lettre de motivation dans quelques instants sur Fun Radio. Vous allez me convaincre de rester, de vous garder avec moi. Des gestes valent mieux que des mots, donc à quatre pattes. Nothing better than feeling the pressure. Oh, of the blood run through my veins. You got me burning up when I feel your fire, euphoria. Kinda like a midnight fever. I'm

bonne nuit la Belgique. Minuit 39 en live, en direct. 4 émissions avant la fin de la saison. Ramenez-vous. Toute une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Ouais, donc 4 émissions, on n'entendra plus ces jingles. Ah putain, ça va me manquer, je pense que je vais passer mes journées complètes à écouter des émissions en fait. Bah, c'est je viens de trouver mon programme du week-end, je vais écouter toute l'année. Mon programme de l'été, je vais écouter toute l'année en replay. Ah ouais? Ouais. Ah, écoute la pige du 4. Pas du 4 janvier, du 7 janvier. Ouais, ton anniversaire. Mon anniversaire à la radio, ouais. Ouais, c'est vrai, c'était bien, je t'avais fait pleurer et tout, je m'en rappelle. Ah ouais, c'était kiffant. C'était pas moi, j'avais réussi à te faire pleurer grâce à tes proches et tout qui étaient venus. Ah, on se passera le meilleur moment de l'émission, on se repassera ce moment-là. Bah si on peut ouais. Mais par contre je tiens quand même à signaler que j'ai pas vraiment pleuré pour tout ce que tu m'avais préparé en fait. J'ai simplement pleuré parce que ça a fait l'effet de lion sur moi. Il y avait Jus qui était assis à côté de moi et paf j'ai pas pu, c'était trop et paf. Tu pleures, ouais, tu comprends pas le mec. C'est vrai putain, je t'avais préparé des trucs de ouf pour ton anniversaire. Ouais, franchement, et tu sais quoi, ma mère je l'ai vu ce week-end, ben, je l'ai encore vu, enfin je l'ai vu tout à l'heure, Suzanne. Mais j'ai encore vu ce week-end Suzanne. Et elle m'a reparlé toi, elle m'a demandé quand est-ce qu'on allait se boire un verre et tout ensemble, donc avec toi. Parce que elle m'a encore dit que t'avais fait beaucoup de choses pour moi, notamment ce jour-là, et qu'elle t'en est un peu reconnaissante. Ouais mais Suzanne c'est payant hein. Enfin on en parlera après Suzanne. D'accord, donc faut que j'aille boire un verre avec ta mère. Bah tu vas pas y aller avec ma mère. Tu vas pas y aller qu'avec ma mère, si. je serai là, mais non, tu rigoles. Ah c'est vrai, elle est mariée, Michel, je ne veux pas empiéter chez les bugs, je ne veux pas foutre la merde. Tu sais quoi, déjà c'est foutu comme ça. Vas-y, donne mon nom de famille comme ça, il y a pas de merde. C'est pas grave, je te dirai rien. Ouais, c'est pas grave. C'est pas grave. Et Zezel, c'est bien son nom de famille, c'est son pseudo. Donc, Oui mais bon, personne ne sait comment ça s'écrit, donc. Non, vas-y avec ma mère. Parce que je vous supporte pas tout séparément, alors à deux ça doit être infernal. Ah bon? Ah ouais d'accord, avec tout ce que j'ai fait pour lui, bah oui, le sens de la reconnaissance du garçon quand même. Hein. Vas-y, attends, j'ai retrouvé. J'ai retrouvé les messages qu'on t'avait fait. En plus, ah non, sur le son. Ah si, écoutez. Écoutez. Bonjour mon lapin. C'est Suzanne. Ah, putain, la femme de Suzanne. Mais c'est gênant. Tu as 22 ans. Je suis plus dedans, là, tu vois. Un joyeux anniversaire. Ouais, mais moi ça me fait rire. Un peu spécial, donc on passe à la radio pour te faire un joyeux anniversaire. C'était bien. Ouais, c'était cool. Mais par contre, la musique de fond, là, je peux pas. Je l'ai encore entendu hier à 6h du mat. J'étais à deux doigts de pleurer. Donc c'est plus possible. Bon, voilà. Bon, et ZZ, toi, pour ton anniversaire, bah on t'avait. Ah oui, on t'avait offert une pute. Ouais. Mais que t'avais pas le droit de baiser. Le contraste. Non, ouais, c'est ça. Mais c'est ça, je le kiffe aussi. C'est pour ça que j'ai dépensé 40 euros de ma poche. C'est moi qui ai tout payé en plus. Même c'était un peu plus, il me semble. Ouais, non, c'était 40. Et en plus, t'as pas consommé. Non, je pouvais pas. Puisque pouvais pas, j'avais interdit à la. Enfin, j'avais dit à la prostituée, voilà, je vous donne de l'argent. Mais il a pas le droit de toucher. Ouais. Et ça t'a frustré de ouf, frérot. Ouais, mais attends, voilà, je pense à ton couple. Ça me rend fou. Est-ce que t'as bandé? Ouais, c'est vrai, parce que je lui avais demandé de la chauffer, je lui avais demandé de le chauffer et tout. Ouais, c'était important pour le contenu de l'émission. Donc voilà. Jérém est là, salut Jérém. Hello Jérém. Salut. 25 ans, frérot, toi tu m'appelles de quel endroit en Belgique? La Estre. Hein? J'ai pas entendu. La Estre. La Estre. Du côté de la Louvière. D'accord, à la Louvière, 107.3 la fréquence pour nous écouter chez nous. Nous qu'on cherchait l'endroit le plus trou de cul du monde, ça y est, on l'a trouvé. Non, hein, non, arrête, c'est sympa. Sympa. Y'a quoi là-bas? Y'a quoi à voir? Ouais, le carnaval du centre. Le fameux carnaval du centre. Bon, très bien. Jérém, on va faire un défouloum avec toi. Ouais. Ça concerne quoi ton défouloum? Dis-moi tout. Bon, en fait, cet après-midi, on m'a griffé ma Twingo parce qu'en fait, j'étais en double fil juste pour déposer un colis, en fait. Ah, ta Twingo? Ah l'enculé, ils auraient pu directement l'emmener à la fourrière. Non mais attends, sans déconner. Une Twingo quoi, s'il te plaît. Et tu t'étais garé en double fil. Ouais. Bah ah mais ouais, ça c'est... Ah mais je comprends la fin. Non, arrête. De là à griffer la bagnole, c'est enculé. Mais les gens qui se garent en double fil, sans déconner. Tu le fais tout le temps. Mais je le fais quand c'est possible. Quand c'est possible. Ah ouais, c'est sûr. Ah oui, dans une voie sans issue, tu le gardes en double fil, toi, c'est sûr. Mais non, je le fais pas. Arrête. Non, mais pas du tout. Non, mais je le fais quand c'est. Bon, tu m'emmerdes. Bon, Jérémy, je te comprends, je fais la même chose, ça va. Non, mais c'est vrai que t'en as qui se gardent n'importe comment. Oui, non, c'est sûr. Fois, c'est sûr. Mais c'est pour ça qu'après, il faut toujours se garer. Conseil que je vous avais donné dans l'émission, toujours se garer au fond du parking, quitte à marcher un peu. Regarde, moi l'autre jour, je devais aller au Kinépolis, je me suis garé à Lille. Zéro risque, poto. Voilà. Au moins, je prends aucun risque. En revanche, moi, je raye les cyclolibes. De quoi? Je raye les cyclolibes. Ah, les vélos. Comment ça s'appelle ici à Bruxelles? Les cyclolibes. Non, les vélibes. Si, non, ça s'appelle les cyclolibes. Ah ouais, ok. Ouais, je les raye, voilà. Ça me donne l'impression un peu de niquer le système, d'être un gangsta de ouf. Je vais attendre, tu t'es déjà fait griffer un. Un objet parce que j'ai pas de voiture, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais en train de réfléchir que t'avais pas le permis, toi. Mais Si j'ai le permis, mais. Non, mais toi, en voiture, toi, t'es un chaud, toi. Tu montes vite en pression. Hein. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr. Je pense qu'en étant passager, je fais plus de dégâts qu'en étant conducteur. Ça d'office. Mais non, on m'a jamais rien fait de mal. Mais t'insultes en fait. Tout le monde et tout. Oui, bah ça, je le fais maintenant. Il suffit que quelqu'un mette une seconde de trop à passer au feu rouge, au feu vert plutôt. Oui, mais ça, je le fais. Que tu l'insultes ou klaxonnes. C'est-à-dire que Jonathan, il est côté passager, le gars il se permet de klaxonner quand même. Ouais, bah ouais. Magnifique. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu hier avec tous les coups de klaxon, il y a des gens qui sont pleins et tout. Parce que hier, on a D'ailleurs, qu'on en parle. Ah, nous on a klaxonné. Allez, gros relou. Oui, d'ailleurs, si vous avez vu trois connards dans une Honda Civic qui klaxonnaient pendant 3 heures, c'était nous, sachez-le. Avec une plaque française en plus. Avec une plaque française. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est du grand art. Non, mais c'est vrai qu'on a klaxonné comme des oufs hier. Ouais, t'as klaxonné, Jérémy, toi hier ou pas? Non. Non, ok, bon. On était seul dans le délire en fait. Bon. Frérot, on fait un défoule room contre ces personnes qui ont griffé ta Twingo. Ça marche. Allez, 3, 2, 1. Fais-moi rêver 30 secondes pour les insulter, ta carte blanche, mon pote. Franchement, ceux qui m'ont griffé ma voiture, vous êtes vraiment des enculés de vos mères. Vous griffez les voitures, puis vous prenez la fuite. Franchement, vous êtes des sales fils de pute. Je baisse vos mères par derrière, je les prends en sodomie, en levrette, tout ce que vous voulez, bande de sales chiens. Voilà. Ok. Un peu radical. Un peu quand même, là. Donc, alors, Jonathan est intéressé. Il faut griffer ta voiture pour que tu le prennes en levrette. Arrête. C'est ce que j'ai compris, Jérémy. Ok, mais quel con. D'accord. Allez, viens, mon chéri. Ah, non, ça va, ça ira. Il y a du rapprochement dans l'air. Mais j'ai un peu de dignité encore, tu vois. Enfin, je l'ai perdu hier entre 2h30 et 2h45 quand cette histoire du dôme a. Paf. C'est arrivé comme ça. Donc, laisse-moi quand même le reste de dignité qui me reste. Je suis dans la merde, Mike. Si tu pouvais m'aider, ça m'arrangerait. Bonne soirée, mon Jérém. A plus, mec. Bonne soirée. Tu reviens quand tu veux dans l'émission, frérot. Ça 02. Marche, yes, 02851 4x0. Ouais. Pour faire comme Jérémy, minuit 46 sur Fun Radio. Maître Kevin va arriver. On va se faire le nouveau classement du Loto Foot avec lui. Les résultats du Loto Foot. Qui est premier de ce Loto Foot? J'ai de bons espoirs. Oui. Bon, bah, tu verras. C'est compliqué, en fait, tu vas comprendre pourquoi c'est compliqué. Et notamment, j'aurais une question à te poser, Mike. Parce qu'il y a un truc qui est louche. Je te poserai la question après, tu verras. Très bien, on nous dit au 3044, mon pauvre Mike, me suis arrêté de rouler mon bédo au moment avec Coco. Aïe, aïe, aïe, en effet, tu as bien foiré, tu dois être bien chiant et jaloux. Peace, bro. Bah, on m'a dit que j'étais un jaloux maladif, donc. Je pense apparemment. Quel est le connard qui t'a dit ça? Je sais pas, ou la connasse plutôt. Mini 47, sur Fun Radio, on écoute Drake, voici One Dance dans l'Open Space. Grips on your waist, front way, back way. You know that I don't play. Street's not safe, but I never run away. Even when I'm away. OT, OT, there's never much love when we go OT. I pray to make it back in one piece. I pray, I pray. That's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. Baby, I like your style. Strength and guidance. All that I'm wishing for my friends. Nobody makes it from my ends. I had to bust up the silence. You know you gotta stick by me. Soon as you see the text, reply me. I don't wanna spend time fighting. We got no time and that's why I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. I need a one dance. Got a Hennessy in my hand. One more time before I go. Higher powers taking a hold on me. If you're down, I'll take it slow. Make you lose control. Wait. One more time for I go. Higher powers taking hold on me. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bons! Et en direct sur Fun Radio, minuit passé de 50 minutes. Merci de nous avoir choisi différent de tout ce qui se passe ailleurs à la même heure. Sur la bande FM, avec la fouine qui arrive dans quelques secondes. Es-tu validé? Petite question, ton banquier t'a-t-il validé? On va voir si les boss de Fun Radio nous valident ou pas pour une deuxième saison. Pour une saison 2, pour un chapitre 2. Ouais. Et bah ce sera. Je sais pas si on le saura avant la fin de semaine ou pas. Je crois pas. Grand bas. Pardon, non, j'ai vu ça. Il m'a dit normalement première semaine de juillet, vous savez ça, deuxième maximum. Je crois qu'il peut tout nous arriver avant la fin de la semaine, mais pas ça. Ah non, mais faut comprendre, il y a l'euro. Ah, il y a l'euro, les gars, il y a l'euro. La Belgique est qualifiée, forcément. Non, je plaisante, mais on vous tiendra au courant de façon sur les réseaux sociaux de l'émission. Et si on sait la fin de saison, on vous le dit évidemment à l'antenne, même sur Neviron, on le dira de toute façon. On a toujours tout dit de A à Z, on a tout commencé comme ça, donc on finira comme ça. On a dit d'ailleurs qu'on vit ensemble, on meurt ensemble. On a dit d'ailleurs qu'un jour on allait se planter à la radio, on sait pas quand, on sait pas pourquoi, mais on allait tout couper et qu'on allait venir faire l'émission. Non, mais si je l'ai dit hier. À tout couper, genre qu'on allait prendre. Non, tu peux pas prendre l'antenne en otage, Jonathan, tu ne peux pas faire ça. Je peux pas, mais toi tu peux. Moi je sais pas comment ça marche. Mais je rassure les patrons quand même. Je suis une fiotte, moi, les gars. Maître Kevin, bonsoir. On vit ensemble, on meurt ensemble, Maître Kevin. Salut MK. Salut les amis. Alors, attends, frérot, je te montre ton son parce que la Belgique ne t'entend pas. Il reste plus que 4 chroniques en plus de Maître Kevin. Alors, bonsoir. Allô, bonsoir. Alors, il a pensé quoi de ce week-end footballistique riche en surprises? Ouais, énormément de surprises, notamment cet après-midi. Moi, franchement, je voyais pas les Italiens gagner. Ah, moi non plus, et l'Islande encore moins là, pour le coup. Ouais, non, sans déconner, l'Islande a battu l'Angleterre. Encore l'Islande, tu le sentais quand même que ça pouvait arriver, parce que tu voyais quand même qu'en phase de poule, c'était pas non plus, c'était pas des peintres. Enfin, les mecs, ils jouent quand même avec le cœur, mais les Espagnols être aussi nuls, jamais. Enfin, excuse-moi. Zézé est en train de faire un truc que je déteste. Qu'est-ce qu'il fait? Oui. Il est avec son téléphone. Il est son téléphone. Ah non, son téléphone, attends. Pendant l'émission. Donne-moi ce putain de téléphone. Je vais t'expliquer. M'en bats les couilles. Je vais t'expliquer. M'en bats les couilles, frère. M'en bats les couilles. Attends. Donne ce putain de téléphone. Il était peut-être occupé d'écrire ta lettre. Oui, déjà. Ah. Et de deux. Non, regarde, j'étais occupé. Ta lettre, elle est écrite. Ok. Oui, parce que tu vas faire la lettre. On va faire la lettre de l'ultime chance dans quelques instants sur Fun Radio. Et Zezel va essayer de me convaincre que je le prenne la saison prochaine. Et Zezel, donc t'étais en train d'écrire la lettre avec ton téléphone? Non, non, la lettre je l'ai écrite à la main. Et en donc fait là j'étais occupé à communiquer avec des auditeurs, tu vois, excuse-moi, qui envoyaient des messages. Ah c'est vrai. Excuse-moi, je viens de voir le fond d'écran de ton téléphone. T'es sponsorisé par Bellswing en fait, toi. Pourquoi? Il a quoi comme fond d'écran? Non, j'ai louché à mon avis, non? Bah non. Je sais pas, j'ai cru voir un petit cul en fait, non? Non, non. Ah non, c'est Fun Radio. Non, c'est le Fun Radio. Non, il a le chien qui lèche l'écran en fond d'écran. Il perd toute crédibilité là. Il a une photo de lui, je crois. C'est vrai, et je me le colle assez souvent. Ah, Maître Kevin, à le week-end au niveau foot là, on est quand même surpris. Hein. La défaite hier de l'Espagne. De grosse surprise. Ouais, il peut monter un peu son micro peut-être? Ah, bah d'habitude c'est trop fort, là c'est pas assez fort. Ouais, là c'est pas assez fort, frérot. Ça a l'air d'être un petit peu mieux, monte-le un petit peu encore un peu et ce sera parfait. Ouais, et la Belgique qui a gagné hier et qui jouera en quart de finale vendredi hein, contre les Pays de Galles. Contre les Pays de Galles. Là, ça va être chaud contre le Pays de Galles. On fera les pronostics jeudi soir hein, parce que même si l'émission s'arrête jeudi, on finira le autofoot. Hein. On est à fond dessus. Maître Kevin, je l'ai eu deux fois ce week-end au téléphone. Ouais. Il est à fond dessus aussi, on est tous à fond. Ah ouais. On fait les résultats tout de suite, on fait les résultats maintenant parce qu'il y a quand même une question que je veux soulever. Mike, n'oublie pas que tu nous as dit à tous d'ailleurs que tu payais donc au gagnant la journée de son choix. Oui. Alors, je sais pas comment teaser le truc, je sais pas comment tuer le suspense. Je suis premier. Mais tu vas avoir un gros problème. Parce que oui, t'es premier. Yes! Mais, yes! Yes! Mais Maître Kevin aussi. Attends, je suis premier du loto foot les gars, j'en ai rien à foutre. Maître Kevin l'est aussi. J'étais dernier la semaine dernière. Zezel l'est aussi. Et je le suis aussi. Et on est 4 premiers les gars. On est tous à égalité. On est tous à égalité. Y'a que Coralie qui est dernière. Mais attends, parce que là c'est encore plus grave. C'est-à-dire que Coralie est dernière, oui, mais elle a qu'un point de différence avec nous. Ah d'accord, donc, très serré. On est tous dans la merde. Je vais quand même détailler un peu. Donc samedi on a tous marqué un point sauf Coralie, on en a marqué 3 vu qu'on a pronostiqué juste. Dimanche Mike t'as eu 2 matchs justes. Ouais c'était, mais c'est bon c'est... Enfin bref, t'as marqué 8 points en total. Maître Kevin a marqué 3, Zezel 3, moi j'en ai marqué 8 et Coralie en a marqué 8. Donc logiquement on les a rattrapés et on est tous premiers. Donc je sais pas comment tu vas t'organiser, mais tu vas dépenser de l'argent. Je vous paye une journée à Walibi les gars. Tous ensemble hein. On part en minivan, c'est parti. Mais c'est parti quoi. Bon, bah voilà, tous premiers du loto foot, Maître Kevin. Points, ouais. c'est bien, mais du coup ça veut dire que la journée déterminante c'est le week-end prochain quoi. Bah ouais, à mon avis ouais. Non non, il y a des matchs encore jeudi soir après. Il y a des matchs jeudi, ouais, il y a des matchs jeudi. Bah tiens, jeudi. Donc voilà, donc on s'arrêtera sur le classement de jeudi soir. Ouais, pour ici à l'antenne, ouais, on s'arrête sur le classement de jeudi. Pologne-Portugal, c'est le match couperet quoi. Bah on va dire ça, non. En tout cas on va dire que celui qui gagne le... C'est notre filane à nous. C'est ça. Pologne-Portugal les gars. Celui qui gagne ouais, je te jure. Ah ouais, putain, laisse tomber. Ouais, putain, n'empêche, c'est vrai. Ça va être notre finale à nous. C'est-à-dire que celui qui gagne le tout foot, parce qu'on est tous à peu près à zéro, qu'on est 23 points en zéro, c'est un peu pareil. Celui qui gagne, bah. Il y a que Pologne-Portugal en plus jeudi. Ouais, il y a que ça, ouais. Parce que vendredi, c'est Pays de Galles. Bah, c'est le match qui va déterminer. Non, je crois qu'il y a autre chose. Moi, je vais dire que je vais faire preuve d'originalité. Je peux d'ores et déjà, je vous dire que je mise la Pologne. Ouais. Tu crois? Je mise la Pologne et je mise la Pologne 2-1. Pologne-Allemagne. Je peux le dire. 2-1. Non, Pologne-Portugal. Ah, Pologne-Portugal. Je mise la Pologne, je vous le dis, la Pologne va gagner. Maître Kevin, vous allez miser quoi? Ah, moi aussi, pareil. Ah ouais? Ah, mais si tout le monde veut faire dans l'originalité, je vais faire sur le Portugal alors. Ah, ben non, mais parce que les Portugais, franchement. Non, ah, c'est pas que, terrible, hein. Quoique, allez, moi je vais mettre le Portugal, Portugal 1-0. Ah, bon, on pronostiquera ça mercredi soir. On espère que le match. C'est pas terrible. Et Alex, t'as eu combien? Alex D, notre voyant qui avait pronostiqué ça aussi mercredi soir. Eh ben regarde, je vais dire un truc. Alex, il était bon. Mais bon, parfait jusqu'à aujourd'hui en fait, parce qu'il avait pronostiqué l'Espagne gagnant et l'Angleterre, il les avait même vus en demi-finale. Et là, ah ouais, il vient de se vautrer, donc tout était bon jusqu'à maintenant. Ah, mais il a quand même bravo quand même. Oui, il avait tout juste, hein, il avait vraiment tout juste, donc ouais, il a eu. Il s'est trompé sur deux matchs. Il a eu 6 matchs de juste sur les 8. C'est pas mal. Voilà. C'est pas mal. Bon, on va récupérer Fiona dans quelques instants, on peut lui dire bonsoir. Salut Fiona. Hello Fiona. Salut tout le monde. C'est la princesse. Salut Fiofio. Princesse Fiona, comment vas-tu? Où est Shrek? Ah oh ben il est dans le divan là, sur la télé. D'accord, ok. C'est sympa pour ton mec. Shrek, il va pas être comme ça quand même, il l'a entendu là. Ah, je pense pas Fiona. Tu abuses l'alcool Fiona? Non, je ne bois pas, et non je ne bois pas. D'accord. Bon, à part que du coca. Ouais, grand sens de l'humour. Et après, j'ai dit, arrête de te moquer de ma voix. Mais non, je me moque pas de ta voix, Fiona. Je vais mettre mais pour finir. Mais non, mais Fiona, je me moque pas que ta voix. Ma chérie, il y a un écho de ouf dans le téléphone, Fiona. Tu peux enlever le haut-parleur. Je me moque pas que ta voix, Fiona. C'est juste que ta voix, j'ai l'habitude de l'entendre pour masquer les voix, tu sais, c'est la voix d'anonyme. C'est ça, sans aucun doute et tout. Ouais, c'est ça. Ouais, ça va, ok. Parce que comme j'ai une voix cassée, bon, ça fait un peu bizarre. Oh, cassé. Bon, Fiona. Tu sais que sa voix, elle me fait penser à quelqu'un. J'ai vu une vidéo de cul il y a pas très longtemps d'une belge et elle a la même voix que la dame. Tu seras ravi d'apprendre. On vous entend très mal, maître Kevin, hein, je vous le dis. Pourtant, je suis au max là, mon vieux. Là, je peux pas faire mieux. Non, mais là, ça, en fait, ça dépend. Voilà, ça change. Ça dépend des écoles. C'est la fin de notre bon. Fiona, on fait tourner la roue des jeux. Tu dis stop quand tu veux. On voit sur quoi tu t'arrêtes, ok? Stop. Ouais, ok. On a pas entendu, je crois. Ça s'arrête doucement mais sûrement. Oui, on a compris. Okay. C'est le premier degré. Ouais, ça. Et c'est sur le chantophone que ça s'arrête. Fiona. Ah. Ok. Y'a pas un autre jeu que non, je me sens très bien. Fiona, tu choisis 5 titres de ton choix. Ça va, ok. Bon. Attends. Okay. Tu vas nous les chanter. Et on va devoir en trouver 3 sur 5 pour que tu puisses repartir avec du cadeau Fun Radio, d'accord? 3 sur 5 en moins de 30 secondes, c'est une nouvelle règle que j'ai instaurée en cette fin de saison. Attends, parle-moi vite parce que j'ai pas compris ce que... Bon, on va te réexpliquer en antenne, ok? Ok. Bouge pas, c'est ça, juste après le son de La Fouine sur Fun Radio. Et évidemment, cadeau Fun Radio qui va peut-être arriver pour toi, chère Fiona. La Fouine, es-tu validé? Maître Kevin, on va jouer avec qui tout à l'heure? Avec Boupaf. Ah, le rappeur Mitellemi Street, je l'avais demandé. Ouais, t'avais demandé un peu tout là. La lettre de l'ultime chance arrive aussi. Tu es acharné au taf pour y arriver. Nuit blanche, on a dû bosser. Tu n'as pas idée. Tu n'as pas idée. Déliré au bloc en cellule, dans des coins paumés, dans tous les quartiers. Je suis validé en France, en Afrique, tourbus sud-ouest de la région centre, au nord, pas de Calais. Toi, tu n'arrêtes pas de caler. Et tu validé. Très mauvais élève, les profs ne m'ont jamais validé. Depuis mes débuts, seulement si j'avais su refaire l'école, j'aurais pas quitté.

En direct, 02851 4x0, le numéro, on vient de vous le redonner. Venez participer à la plus grande libre antenne de Belgique chaque soir ici jusqu'à 2h du matin. Ouais. Sauf ce qui arrive dans 5 minutes, on va se faire mi amor. Allez. Por favor, mi amor. Por favor. 4 émissions, je vais chanter jusqu'à la fin de l'année, les amis. Ah merde. Que jeudi, on part en vacances, jeudi soir. Oui, bah évite de chanter. J'ai pas envie qu'il pleuve en fait. Tu pars où en vacances, je m'attends À Disneyland. Ah bon? À Skip. C'est pas ouf comme vacances non plus. Alors, moi aussi j'aime bien. Mais attends, le week-end prochain on sera à Bordeaux déjà. On sera près de Bordeaux. Ouais, c'est vrai, on va à Bordeaux. Ouais. On va à Bordeaux. Et non, je pense que je vais partir quelques jours à Ibiza là. J'ai besoin de me détendre. Et je crois que Ibiza c'est la meilleure décision. C'est signé, on y va. Ouais, bah écoute, si tu veux, ouais, on y va. Quoi avec toi? À Ibiza? Ouais. Tu sais t'amuser toi? Va te faire enculer. Non mais tu oublies, genre il vient à chaque fois, il profite des soirées en Tebois et tout, parce que bon. Bah oui, justement. Sans vouloir, mais voilà, mais machin, mais quand je suis en Tebois, voilà, c'est bouteille, tout ça pour tout le monde. Bah oui, mais en même temps. Et bah tu vas te faire enculer pour toutes les prochaines soirées. Bah mais justement, mais je dis ça parce que je sais comment t'es en bois, t'étais tout le temps avec ta meuf, t'es tout le temps avec Coralie, t'es là, t'es tranquille, t'es posé avec elle. Bon. Il a raison. Après la soirée, elle tourne. Vers 2h30 du matin, elle tourne généralement. Arrête tes conneries. Je suis tout le temps avec toi en plus pendant les soirées. C'est ça le problème. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce qu'il y a, Maître Kevin? On est jamais parti en boîte ensemble, Maître Kevin? Non, jamais. Mais je pense que si tu sors une fois avec moi, tu. Tu sors plus après. Tu vas dire pourquoi? Parce qu'à mon avis, le gars pécho tout ce qui bouge. Ouais, alors on m'appelle la sulfateuse dans le milieu. Le gars est chaud sur le dance floor. Hein. Je connais Maître Kevin. Hein. Frérot, je connais la réputation du Camerounais qu'il est. Hein. Il y a Fiona. Qui est là? Ouais, Fiona. Eh ouais, Fiona. Alors Fiona, excuse-moi ma chérie. On va faire un chant total, d'accord? Ok. Ah, il y a Shrek qui écoute la radio là, demande-lui de la couper. Non, mais par contre, j'ai un écho de ouf là. Non, elle n'écoute pas la radio, il écoute sur son PC, sur son GSM. Fiona, j'ai un écho justement, alors je sais pas si t'es juste à côté de ton copain. Il faut que tu sortes, que vous soyez pas dans la même pièce. Sinon ça fait un écho. Oh, merci. Ok, ça va. Il est parti. Tu dois partir dans une autre pièce. Dégage, fous le dehors. Allez, il a dit dégage. Et il s'appelle comment ton mec, Fiona? Thierry. Ok, mais il y a encore l'écho de ouf. Hein. Là, je suis parti. J'ai quitté la pièce. T'as un haut-parleur? Merci, Zazel. Hein. Non, j'ai pas de haut-parleur. Un. Ça a l'air d'aller. Un, deux. Que dalle, ça un, deux. Va, un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Un, deux. 4, 5. Paris, Bordeaux, Marseille. Oui, mais bon, bonsoir. C'est bon là. C'est bon. C'est marrant parce que Mac Lesguy fait la même chose pour essayer ses micros, frère. Bah ouais, mais je sais. Que c'est vrai. Mais je sais, c'est pour au niveau des. Je sais pas, on dit Paris, Bordeaux, Marseille. Ah oui, c'est pour régler le son. Voilà. Ouais. Ça, je vous donne des petites astuces du milieu. Ah, mais oui, parce que Paris, Bordeaux, Marseille. Non. Qu'est-ce qu'il a le gars? Mais je sais pas. Mais en plus vous avez que le son, mais nous on se tape l'image en plus. Je peux vous dire que. Ah putain, si vous voulez quoi. Allez Fiona, chante au tête. T'as sélectionné tes 5 sons, Fiona, on y va, chante au tête. Ouais, on en trouve 3 okay. sur 5. Évidemment tu repars avec du cadeau. Ok, ça va. Ah, vous prêts à chanter et laissez les animateurs de l'Open Space sans voix. C'est le chantophone sur Fun Radio. 30-44 pour trouver, pour nous envoyer la bonne réponse dans l'équipe, vous donnez votre prénom pour répondre. Maître Kevin, vous jouez aussi. Fiona, Paris, Bordeaux, Marseille. C'est parti. Non, je suis pour la Belgique, moi. Pour l'instant. Allez, vas-y, Fiona. T'es malade. On peut y aller? Allez, vas-y. Allez, on y va. Bon. Vous êtes prêts? Oui. On chope pas de ma gueule, hein? Non. Un, deux, trois. Elle a sûrement rejoint le ciel, à côté du soleil. Zézel. Francis Cabrel. Ouais. C'est ça? Ouais. Ouais, bonne réponse. C'est laquelle? Petite Marie. Petite Marie, je parle de toi parce qu'avec ta petite voix. La petite furie, tu as marché sur. Des milliers de roses, hein. Tu as marché sur ma vie, sur la planète Mars. Tom, tom, tom, tom, tom, tom. Ah non, ça c'est Georges Brassens. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire. Alors attention, Fiona, son numéro 2, ça te fait un point. Ok, on fait un point. Bon, on y va? Ouais, vas-y. Tu me comptes pas poser la question? Ouais. Ah, ok, la mia donna, la sole gria. Mike, Rihanna. Non. Elle a morflé, Rihanna. Kevin. Maître Kevin. Kevin. Toto Coutinho. Continue, Fiona. Comme il faut que Milindea Comme un solo, comme un éteint. Ah ouais, c'est bon, je crois que je l'ai. Kevin, ah. Danny Briand. Comédie. Non, comédie. Je veux bien faire un petit medley, une deuxième. Comme non, mais vas-y, vas-y, continue sur celle-ci, il faut qu'on trouve. Comme un moto, comme un médaille. Fiona, Fiona, tu m'arrêtes si je me trompe. J'ai comme un sourire, Michel Sardou. J'ai non. Dedans. Non, c'est de l'italien. C'est italien, c'est italien. L'italien. Elle est dure, hein. Je l'ai pris dans le truc dur. C'est... Bon, eh ben donne la réponse, on n'a pas trouvé en 30 secondes. Umberto Tozzi. Umberto Tozzi. Umberto Tozzi. Oh, j'allais dire après. Eh ben c'était l'un ou l'autre. Ouais, hein, ouais. Bon, allez, le son numéro 3, pour l'instant, ça, on en a trouvé que un, Fiona. C'était l'italien, là. Ok. Un deuxième italien. Umberto Tozzi, italien. Non, mais d'accord, mais je veux dire, je joue à l'AC Milan. J'ai pris une belle, mais pas une facile, quoi. Allez, Fiona. Enfin, on y va. Et pense à toi. Tourne au casa. Et pense à toi. Les téléphones. John. John. Genre, attends, s'il vous plaît, c'est le bordel ce soir, on se calme un petit peu. C'est la mer noire. Et pense à te. Zezel. Eros Ramazzotti. Bah, j'ai bref. Non. C'est ça? Non. John. Umberto Tozzi. Non. Laura Pozzini. Non. Fiona, m'écoute pas parler en fait. Non, bah, pff, elles sont belles. Lucia Baptiste. Alors c'est qui Fiona? C'est qui, pardon, j'ai pas entendu. Fiona Baptiste. Le tio Baptiste. Maintenant qu'elle le dit, tu vois. Qui fait les pantalons, mais oui. Ouais, c'est ça, sûr. Les pantalons, Baptiste. Le tio Baptiste. Ouais, Baptiste. Ouais, c'est ma quatrième, ça. Oui, c'est ton quatrième. Il faut absolument qu'on le trouve, Fiona. Donc essaye de faire un son qui soit à notre niveau. Bah oui, ok. C'est-à-dire culture musicale néon. C'est connu, hein. Oh, c'est connu, bien sûr, mais c'est juste qu'on n'est pas. En plus que vous êtes dans la radio, hein. Bon, allez, je vais vous présenter. Hein. Allez. Et t'as regardé, puis il t'a souri, ça faisait un siècle qu'il n'avait rien dit. Fiona, tu m'arrêtes si je me trompe, j'ai l'impression qu'on n'est pas très au point sur les paroles, Fiona. C'est connu. Michel Thor. Non, il est fort connu, allez, franchement, honnêtement. Et t'as regardé... 30-44 si vous avez la bonne réponse. Zezel. Pas besoin de moi. Un mytho, t'as tapé les paroles. Non. Vas-y, dis le mot. Pierre Perret. Quoi? Non. T'es irrité. Non. Kevin. Maître Kevin. C'est Patrick Bruel. Ouais. Mais c'est n'importe quoi. C'est laquelle? Mec, il s'impose tout ça. Élie. Alors vas-y, maître Kevin, chante-moi le refrain. Mais j'ai reconnu les paroles. Ouais, quel mytho. Il a tapé sur son ordinateur, c'est sûr. Sur la vie de ma mère que j'ai pas tapé sur mon ordinateur. Allez, bon. Deux points, Fiona. Il faut qu'on trouve le dernier absolument. On t'écoute. La Belgique t'écoute. 30-44. N'oubliez pas que si vous trouvez la bonne réponse avant nous, vous avez le cadeau. Heureusement, j'en ai préparé des autres, alors. Ah non, c'est... Je crois qu'il faudrait de l'acupuncture dans les oreilles, là. Allez, Fiona. Fiona, c'était 5 sons, hein, normalement. Je le dis, je sentais pas bien. Alors... À m'asseoir sur un banc. John. Renault Mistral gagnant. Putain, quand même. Il y a des Mistral gagnants. C'est pas l'homme qui fait la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Mike, est-ce que t'as vu ce moment de télé magique que toute la France et que la Belgique aussi avons vu? Donc tous à Toulouse, quand Renault chante. Non, j'ai pas vu. Non, mais t'aurais dû. Regarde-le en replay. Je peux même pas te l'écrire, mais c'est magique. Renault qui est en tournée d'ailleurs. Oui, mais. Fini les problèmes d'alcool pour Renault. Mais on n'avait pas vu une telle synchronisation et une telle symbiose entre artiste et son public depuis très longtemps. Hein. Tout le monde va le voir, ils sont tous bourrés dans le public et pareil sur scène. 1h14 sur Fun Radio. Fiona, cadeau Fun Radio pour toi. C'est l'imitation que je tiens vraiment bien. Je tiens bien. Ouais, mais t'en tiens d'autres. C'est ça qui est bien. C'est pas mal quand même. C'est ta force. Mais c'est pas mal, non? Ouais, c'est pas mal, Fiona. Garde la foi. C'est plutôt bonne, Fiona. Je sais bien que tout le monde pense pas, mais bon, c'est pas grave. Bisous, Fiona. Merci, bisous. T'es perché, Fiona, tu me fileras l'adresse de ton dealer, ok? T'es perché. Allez, c'est méchant. Ah non, c'est pas méchant du tout. Ah, c'est bien. Non, c'est vrai. Vaut mieux vivre une vie perché que voilà. Que tenir en bec un fromage. Merci. Moi, je m'amuse, quoi. J'ai fait ça pour m'amuser. Mais t'as raison, Fiona. Tu kiffes, ma chérie. T'as raison. Et tu nous rappelles quand tu veux, ok? Ah, pas de problème. Tu nous rappelles avant la fin de l'année? Avant la fin des vacances? Avant la fin de la semaine, plutôt? Ah, oui, ça, c'est sûr. Bon, bah, bisous. Je vous rappelle. Bisous. Bisous, Fiona. À bientôt. Tu reviens quand tu veux. 1h15 du matin sur Fun Radio. On refera tourner la roue des jeux. En espérant que ce soit un peu moins laborieux tout à l'heure dans l'émission. Franchement, si Renaud avait envie de faire un concert, il était pas obligé de s'appeler Fiona. Il aurait simplement pu dire Renaud, le mec. L'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Tadam, c'était après-midi, j'ai embrassé un flic, passe de la nation, voilà. Magnifique, passe-moi les menottes. Et voilà, merci. On est au bout de l'année, ça s'entend. 1h15 du matin sur Fun Radio. Qu'est-ce qu'on fait dans quelques secondes, Jonathan? On va se faire la roue des jeux, puis il y a un défoul room. Et les meilleurs moments de l'émission également, on va se les faire justement cette fin d'année, le temps de se remémorer tous les bons souvenirs qu'on a eu cette année. Boupaf va arriver aussi avec Maître Kevin et Souf. E mi amor, por favor, colari, pardonne-moi. E mi amor, favor, mi amor, por favor, mi amor, favor, mi amor. E mi amor, favor, mi amor, favor, mi amor, favor, mi amor. Et dis-moi comment faire, pourquoi tu puisses pardonner tous ces faits et gestes que je n'ai pas su t'accorder. Oui, je sais que c'est la vie. J'ai choisi de t'aimer, j'aimerais que tu reviennes. Tu reviennes, tu sais, je ne suis qu'un homme. Des erreurs, j'en referai. Te souviens-tu du temps où tu ne savais pas qui j'étais? Un homme imprévisible, c'est tout ce dont tu rêvais. Dis-moi que tu m'aimes, que tu m'aimes. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie. Tu as le plus beau des chats. C'est comme ça que je t'aime, mais tes souvenirs me hantent. La nuit dans mon sommeil, j'en deviens somnambule. Et je t'avais pris pour acquise, tu m'as tourné le dos. J'avais cru soumise, tous ces mots sonnent faux. Et quoi qu'on en dise, je suis ton héros. Aujourd'hui tu me fuis, tu me fuis. C'est la vie, j'ai trahi. Et ça m'a fait grandir. J'en perds ma taille. Et dans la nuit, je vois que tu souris. Écoute-moi, je t'en prie. Le plus beau des chats. J'entends sa voix si belle au timbre angélique. Avant les vacances, 4 émissions avant la fin de saison, les amis. 4 émissions. Ah là là. Comment tu le sens, Mike? Très très mal. Ah ouais. Mais on est en direct et là je kiffe. Are you ready? Une galère? Appelez l'Open Space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bons. Effectivement, 1h19 du matin, différent de tout ce qui se passe ailleurs à la même heure sur la bande FM. Avec Zezel qui est là, mon frérot, qui est là, qui est au standard, qui décroche au 02 851 4x0. Tiens, il y a la meuf à Zezel également, Bilitis, qui est là comme chaque jeu lundi soir. Hello. Ça va, Bilitis? T'as passé le week-end avec Zezel? Oui. Alors, la meuf est inscrite en site libertin alors? Tout à fait. Parce que tu sais que Zezel nous raconte toute la vie de votre couple à l'antenne. Je sais. Et elle dit ça, elle est désespérée. Et donc, t'es inscrit en club hiver, t'es cochonne, hein. Enfin, t'as pas l'air comme ça, mais. Si, si, elle a l'air. Coquine, quoi, l'édifice. Eh oui. Ça, c'était la voix là. Prends ta voix sensuelle. La voix la plus sensuelle que tu peux. Oh oui, Mike, j'adore. Non, prends ta voix la plus sensuelle que tu peux, s'il te plaît. Réessaye, fais ton mieux. Non. Merci, merci. Il y a Maître Kevin également qui est là, le talent. Mmh, oui, eh oui, le génie parisien, Maître Kevin. Et le plus beau qui est là, Jonathan oui. Également, qui a un peu mal au dos. Bah là, ouais, carrément. Mais bon, ça va passer. Je t'ai fait hier en même temps, c'est normal. Il y a Unique qui arrive dans sur Fun Radio. C'est pas au dos, hein, c'est un peu plus en dessous. Qu'est-ce que dit Maître Kevin? Mais il a mal à la nuit. Exactement, c'est la classe. Merci, enfin merci, c'est le nom du titre qui arrive dans 5 minutes. De rien, si tu veux. Et voilà. Et c'est ce que la meuf Azazel m'a dit hier également. Merci. 1h20 du matin, n'est-ce pas, Bilitis? Oui. Il y a Kevin qui est là avec nous. Bonsoir, Kéké. Bonsoir. Comment ça va, Kevin? Bah, ça va plus ou moins bien, mais bon, voilà quoi. Et pour qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, je suis quelqu'un de tête en l'air et j'arrête pas de perdre mes smartphones. Donc en 2 ans, j'en ai perdu 3 et ça commence à bien faire quoi. Ah, c'est pas mal! Bah. Ça, c'est des belles statistiques. 3 smartphones en 2 ans et c'est les smartphones que t'achètes neufs à chaque fois? Bah oui. Donc en plus, c'est pire. Mais c'est pas les plus petits en plus que j'achète. Les iPhones et tout? Les Samsung, Galaxy, machin là? Non, je suis plutôt marque pomme. Ah, donc t'es Apple, très bien. Donc les iPhones, voilà. Putain, un iPhone, c'est quoi le dernier iPhone que t'es perdu? C'est quoi et quand et comment? Plus. Bah, c'était hier soir. Ah, t'as perdu le 6 Plus? Ça fait comment? Ah, ouais. T'étais en bar? Joie et boum. Bah, le problème, c'est que je les mets toujours dans la poche de mon cul, toi, de mon pantalon. Et bon, à mon avis, pendant le match, soit on me l'a volé ou soit je l'ai perdu. Ah, c'est comme Jonathan, il met toujours son téléphone là dans sa poche. Ouais, dans ma poche arrière. Mais par contre, ça m'est arrivé il y a pas longtemps, vous le savez ici, hein, Jean Zezel, que voilà, vous le savez, que j'ai perdu mon téléphone. Mais le problème avec Apple, c'est qu'ils sont adeptes de la double pénétration. C'est-à-dire que déjà, tu te fais enculer une première fois, t'achètes le téléphone, c'est 1200 boules. Ah, ouais, et ensuite, tu le repères et tu te refais enculer. Donc voilà, c'est la DP, double pénétration. Ah oui, c'est clair. Et attends, mais est-ce qu'il y a des trucs que vous perdez tout le temps dans l'équipe? Donc Jonathan, t'es un peu comme Kevin, t'as perdu un smartphone. Ouais, j'en ai perdu un, ça va. Perds autre chose? Ouais, mes clés je les perds tout le temps, tu le sais, hein, Mike. Et je sais pas où tu les fous en fait, c'est ça, hein. Je sais pas où je les mets, mais c'est parce que je crois que je bois un peu trop en ce moment. Moi, ce serait les tickets de parking. Ah, les tickets de parking. Je l'ai dans la main, 15 secondes après, sans déconner, je sais pas où il est. Dans ton cul. Non mais ça c'est vrai. Non, mais les tickets de parking, pour ceux qui connaissent, moi je le perds tout le temps. Ça fait balise en plus, hein. C'est quoi? C'est 30 balles quoi. Ah ouais, derrière tu dois payer le ticket journée, etc. Le forfait intégral. Et ça nous est pas arrivé à Amsterdam en début d'année quand on avait été, ça? Ouais, ça nous est arrivé, mais ça m'arrive partout, moi. Ça m'est arrivé dans toutes les villes où j'ai été. Bilitis. Alors moi, je perds tout le temps ma carte d'identité, ma carte de banque. Dès que c'est une carte, je la perds. Ouais, et ton miroir, non? Je plaisante. Bilitis, c'est une vanne. J'allais dire sa dignité, mais bon. C'est elle. Il y a un truc que tu perds tout le temps? Ouais, tout le temps, même meuf. Ouais. Ouais, je les perds tout le temps. Mais c'est pas dans l'humour, je te le dis. Non, je te jure. C'était valable il y a 3 mois, c'est valable toujours aujourd'hui. En 3 ans, j'en ai perdu blindé. Blindé. Avant de rencontrer évidemment ma femme. Ouais, je sais pas, une dizaine, quinzaine. T'es marié avec elle? Ouais, ouais. Quoi, t'as connu qui? Non, elle est blindée. Je donne pas le nombre, mais. Maître Kevin, il y a un truc que vous perdez tout le temps comme Kevin qui perd tout le temps ses smartphones. Ouais. Tiens, et justement, je vous ai parlé en plus des applications que j'avais trouvées sur le site Grazia. Et pour moi, c'est la meilleure appli du monde. Ça s'appelle Marco Polo. Oui, c'est ça. Mais tu cries Marco et l'appli est ouverte. Voilà, ça marche même quand le portable est verrouillé. Voilà, exactement. Et vous criez Marco, le portable vous répond Polo. Et ça marche quand ça capte pas aussi, quand il n'y a pas de réseau. C'est génial, c'est super fort quand vous avez pas de 3G. Bon, si t'as un pote qui s'appelle Marco, c'est pas très pratique. Marco. Oui. Attends, en plus, Maître Kevin témoigne. Voilà. Donc ce serait bien si ça pouvait exister avec d'autres trucs. Bah, par exemple, tu vois, genre ma canette de Coca, je l'ouvre. Je la pose, je la retrouve 2 jours plus tard. Ah ouais, et alors tu peux plus la boire forcément. Ah si, je la bois quand même. Combien ça coûte une canette de Coca, s'il te plaît? Trop cher. Voilà. Sur les SMS 3044, on nous dit, moi je perds toujours les tickets qu'on donne pour échanger en boutique. Ah oui. Les tickets genre pour échanger si le vêtement va pas. Oui, la garantie. Ah, quoi, si la souche, la souche quoi. Ça, tu connais ça. Maître Kevin, je suis sûr qu'il connaît. Ah ouais, non mais ça c'est une galère de ouf ça. Moi jamais je perds. Petite technique, il faut le laisser dans le sachet. Ouais mais non parce que ça, tu le perdras pas. Mais tu vas pas lui donner si c'est un cadeau, etc. Ouais voilà. Mais on connaît ah, ça. Oui, alors tu vas un cadeau, oui. Ouais. Tu vas pour le faire échanger et la personne au magasin te dit, je vous fais un ticket cadeau. Et là, tu sais, ticket cadeau, tu sais c'est que c'est mort, tu vas pas l'utiliser de toute façon. Autant lui répondre, gardez mes 40 euros, je les ai perdus. Écoutez, c'est très bien, c'est comme ça. Non, mais c'est ça. C'est en plus, moi, c'est cadeau. Ouais, c'est ça. Non, mais il faut que ce soit un an non remboursable. Il y a trop de trucs. Ouais, des conditions de bâtard, ouais. Ouais, ouais. Laura nous dit sur l'SMS, je perds tout le temps mes écouteurs au 3044. Mes lunettes, alors que les trois quarts du temps, elles sont sur mon nez, c'est pour Julie. Il y a Jo qui nous dit mes chaussettes dans la machine, j'en retrouve qu'une à chaque fois. Ah ouais, mais ça c'est chiant, mais c'est pour ça que j'ai une technique, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je mets mes chaussettes à laver, je les mets en boule et je les mets après dans mon bac à linge et ensuite je vais à la machine et ils sont ensemble et voilà. Mais attends, ça passe. Mais c'est vrai que moi aussi je perds tout le temps mes chaussettes dans mon lave-linge. Ah ouais. Mais elles vont où celles-ci? Non mais elles vont où? Je suis sûr elles ont refait leur vie avec un jean Levi's. Moi mon lave-linge il me faisait ça et en plus maintenant je perds mes briquets dedans. Ah putain, ça c'est dangereux en plus. Donc en plus le truc il s'est mis à fumer. Non mais c'est n'importe quoi ce délire. On nous dit moi mon fils est hyperactif, je le perds tout le temps au supermarché, c'est grave galère. Bon laisse-le, c'est pas grave. Ah oui putain. Non mais moi il m'est arrivé la même chose. T'as perdu ton fils? Non mon neveu. Ouais. Et tu vas à la caisse, mais c'est la honte, putain. J'ai perdu mon neveu et tout, il a le 10 ans. Le petit Ching Chong est demandé à l'accueil, le petit Ching Chong, merci. Il se fout de ta gueule. Tu crois qu'il s'appelle Ching Chong ou pas, mon neveu? Non, mais non. Espèce d'enculé de ta race. Je t'ai tout donné, maître Kevin. Bien à vous d'avoir envie. T'emmerdes. Maître Kevin, c'est parce que tu le fais pas bien, c'est Ching Chong qui s'appelle, c'est pas Ching Chong. Oui, non, mais moi je tape dans le larme. C'est raciste, hein, c'est gratuit, les gars. Ah, le racisme gratuit, quoi. T'as vu que je rigolais pas? Non, mais je vous ai tout donné! Putain, sans déconner, Jonathan, je t'ai pas tout donné! Bien avant l'onzi! Arrête! Non, mais sans déconner, en plus, il a aucune originalité, le gars, il pique les répliques de Maître Kevin. Mais tu rigoles ou pas? Ça fait des semaines! Ferme ta gueule, putain! Parle-moi mieux, toi! Sur Fun Radio! Ferme ta putain de gueule, Kevin! Ouais, je sais pas, j'étais en train de m'endormir! Je pensais qu'il avait perdu son portable! Quoi, tu me fais chier aussi, Kevin? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas! Ils m'ont vénère là dans l'équipe là, ils parlent mal. Vas-y tiens, donne-lui un conseil. Ah, un conseil pourquoi? Pour qu'il arrête de perdre des trucs. Ouais. Bah installe l'application, je te dis. Installe l'application Marco Polo sur ton prochain téléphone. Non mais simplement arrête de déposer ton téléphone n'importe où, tu le fous dans ta poche de ton pantalon à l'intérieur maintenant, tu vois, genre à la poche de devant, pas à la mais poche moi, de derrière. Je fais, quand on part en soirée maintenant, c'est que mon cul. Non mais quand je sais que je vais être un petit peu peut-être que je risque de boire un petit peu parce que vous savez que je tiens pas du tout l'alcool au bout de deux verres, je suis complètement perché. Oui. Donc quand je sais que voilà, je laisse mon téléphone chez moi. Et c'est peut-être que tu dois faire, Kevin. Hier, t'avais pas l'impression d'avoir perdu ton téléphone à un moment? Tu l'avais dans ta poche. Oui, mais t'avais l'impression d'avoir perdu. Oui. Voilà. Merci, bah voilà. C'est tout. Très bien. Ça valait le coup. Bon, Kevin, bisous, mon pote. Ouais, t'inquiète pas. Bisous. Apple te remercie, hein, ils ont une croissance de vue grâce à toi. Si je repère celui-ci, je vous rappelle. Allez, avec plaisir. Salut, Kevin. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Salut. Tu reviens quand tu veux dans l'émission. Yo, 1h27 du matin sur Fun Radio. On va jouer avec Maître Kevin avec B2OPF dans quelques instants. Cédric sera le suivant aussi, 16 ans. L'appel de BX, Cédric. Ça va ou quoi, mon pote? Ouais, tranquille. T'es dans quel quartier, toi, BX? Je sais pas, BX, en réalité, je suis à Liège. À Liège? D'accord, ok. Ouais. Pareil, 99 FM, la fréquence pour nous capter à Liège. Ah oui, c'est vrai, Zézel me l'avait marqué. Excuse-moi, c'est de ma faute. Et t'es en vacances, Cédric? Ouais. C'est cool, t'en profites pour nous écouter et tu vas faire tourner la roue des jeux dans quelques instants. On va t'offrir du cadeau Fun Radio. Frérot, ne bouge pas, ça se passe juste après. Unique, le son c'est merci sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Et la lettre également, la lettre avec Zézel. Ouais, ouais. Ta lettre dans quelques instants. Have mercy. None of them no move me. Shy guy, yeah, me wanty. Lonely, he can make me ayah, fire, bang, bang dans le cœur des hommes. J'aime quand tu lis entre mes lignes. Pas que tu touches, mais que tu m'imagines. Je slalom entre toutes tes belles paroles. Je les ai mis tout sur le bas-côté. Pas besoin d'un homme pour exister. Parler, t'as beau parler. Je veux des gestes, pas des mots pour me faire rêver. Oh, oh, oh, oh, oh. Oh Lord, have mercy. The money, them in a party. The all of them sexy. Watch them just to follow me. Have mercy. None of them no move me. Shy guy, yeah, me wanty. Only he can make me ayah. fire. Surtout ces beaux par-là. Apprends à voir ce que j'ai dans les pupilles. Ce qui te casse tous mes talons aiguilles. Et je m'envole. Non, personne ne m'impressionne. Même si ton regard me déshabille. Même si tu sais viser dans le milieu. Parler, parler, t'as beau parler, parler. Je veux les gestes, pas les mots pour me faire rêver, rêver. Mets de côté ton ego. Essaie de voir sous ma peau. Cette fois, je t'emmènerai dans mon monde. Dans ma lumière, dans ton monde. Si tu sais marcher dans mes pas. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. 1h30 du matin sur Fun Radio en direct avec vous tous et vous toutes au 02 851 4x0. Maître Kevin, Jonathan, Bilitis, la meuf de Zezel qui vient nous prêter main forte puisque je vous rappelle que je me suis embrouillé avec ma meuf. Ouais. Maître Kevin, vous n'êtes pas au courant de ça, vous n'avez pas écouté l'émission de tout à l'heure. Je suis sûr qu'il a pas écouté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'allais t'envoyer un message en plus, hein, sans déconner. Non, frérot, je suis pas bien du tout parce que on a passé un bon week-end. Sombre histoire. Et apparemment, j'ai parlé dans la nuit. Déjà, elle a capté des messages sur Facebook. Alors que c'est voilà, avec les auditrices, avec la radio, je suis obligé d'entretenir certaines relations. Voilà, oui, bien sûr, service après-vente. Comprends, c'est les. Bon, voilà, chaque métier a ses avantages et ses inconvénients. C'est les inconvénients du métier. T'es obligé de parler à de très belles filles. En avantage. Non, mais t'es obligé de parler à une très belle fille. Bon, voilà, c'est ce que je dis à Coralie. Voilà, c'est, je suis obligé, c'est le métier qui veut ça. Et en plus, apparemment, j'ai dit un autre prénom cette nuit, en dormant. Ah ouais. Ça vous est déjà arrivé, ça, Maître Kevin, de parler dans votre sommeil? Je ne parle pas dans mon sommeil, mais un jour, enfin, il n'y a pas très longtemps, avec ma copine, j'ai exclamé le nom de quelqu'un d'autre. Ah, et non, merde. Oui. Oh putain. Bon. D'accord, et qu'est-ce qui s'est passé? Bah, elle s'est retournée, elle m'a regardé, elle m'a dit t'es sérieux, et puis ça s'est arrêté là. Ah, non, mais vous étiez en acte sexuel? Oui, bah oui. Ah, ouais. Elle s'est retournée, d'accord, ok. Mais je crois que ça peut passer parce que ça peut être perçu comme une blague. C'est-à-dire que moi, demain, je couche avec ma copine, si je crie Harry Potter, elle va pas y croire, tu vois. Donc, pareil pour, Maître Kevin. Mais sachant que Maître Kevin bosse avec Enora Malgré, qui sort le nom de sa collègue, je peux comprendre sa meuf. Ouais. Et puis surtout, elle la porte pas très hautement dans son cœur, tu vois. Donc, ah, elle est jalouse? Oui, bah ouais. Une jalouse maladive, à mon avis, cette aussi. Eh bon, d'ailleurs. Frérot, bon. Donc voilà, je suis pas bien avec ma meuf, sache-le, avec Coralie, c'est de l'histoire en scène. Mais je pense que je vais la rappeler après l'émission. Après l'émission? Elle m'a insulté, elle est occupée de m'insulter par SMS. Autrement, le dernier message, c'est. Regarde, lis, Jonathan, le dernier message de Coralie. Putain, va te faire enculer, elle te connaît bien, la petite. Voilà. Va te faire enculer, son dernier message. Mike, j'ai une idée pour toi. Il faudrait que, vu que Zezel va faire sa lettre, il faudrait que toi aussi tu parles. Il faut que ton cœur se lâche sur une célèbre mélodie de physique et chimie. Je pense que c'est le moment. Pourquoi? C'est le moment pour toi, Mike, de tout sortir. Si tu veux retrouver ta belle, il faut monter sur le cheval blanc. Mais je l'ai appelé tout à l'heure, je me suis fait insulter. On l'a appelé en direct tout à l'heure, je me suis fait insulter. Je lui ai fait croire que j'étais en antenne, etc. Elle m'a insulté. Musique triste. Donc je pense que la semaine, enfin d'ici la fin de semaine, je la rappellerai en direct. Je vais essayer de la voir demain, je vous tiendrai au courant. Ouais. Ah ouais. Donc, je la rappellerai en direct. Semaine, elle sera pas là. Non mais parce que tu vois. Non, c'est bon. Tu fais très mal le mec triste. Hein, ouais. Ah, c'est bon, ça fait mal. Non, je m'en bats les couilles en fait. Hein. Non, je suis pas bien, Non mais je vais l'appeler et en plus je lui avais préparé une surprise jeudi dans l'émission. Pour la dernière de l'Open Space, je lui avais préparé une surprise de ouf. À quoi. Ah oui, c'est vrai, tu m'as dit. Vraiment un truc de ouf, sans déconner. Passe-partout. Maître Kevin, frérot, tu vas me dire, Psartek, je suis fier de toi. Non, pas du tout, je crois. Il va te dire, t'es qu'un pauvre blaireau. Ah non, mais Maître Kevin, c'est mon frérot. T'inquiète pas, il sait reconnaître les choses à sa juste valeur, Jonathan. Voilà. Excuse-moi, tu m'as dit le dos, j'ai eu peur pour toi quand même. Hein. Quoi? Je t'ai dit, t'es vraiment sûr. C'est parce que tu sais pas te satisfaire de mon bonheur. Mais c'est pas ça, je suis très content de ton jaloux. Bonheur. Mais en tout cas. Il est jaloux. Je suis pas jaloux, Mike. Et jaloux. Je dis simplement que. Tu es sûr que c'est Coralie que tu veux vraiment? Il y a des autres meufs, bien mieux. Il est jaloux. Je suis pas jaloux, putain. On bat les couilles. Qu'est-ce que tu veux, lui, avec notre connasse hein. Connasse. Ça te ferait plaisir. De quoi? Que je sois jaloux. Ah bah ouais. Oui, bah tu peux rêver. Cédric. Ouais. Ça va ou quoi? Ouais, toujours. Ouais, tranquille, bienvenue Cédric dans l'Open Space. 16 ans, tu m'appelles de BX, on va faire tourner la roue des jeux ensemble. De Liège. Ah oui, à Liège, excuse-moi, frère. Excuse-moi, non mais c'est parce que Gisèle a pas corrigé l'erreur sur l'écran. Le mec, c'est chanteur. C'est ma faute. De Liège. Alors, on fait tourner la roue des jeux. À Liège. Tu dis stop quand tu veux. Liège. Liège, ça va être la ville d'origine en fait. Et j'avais le même espoir. Et ça s'arrête tranquillement sur. Attention. Le complete this game. Complete this. Alors Cédric, je t'explique le complete this game. Le principe est très très simple. Jonathan va tirer au sort des thèmes. Exactly. Il faudra dire des mots en rapport avec ce thème. Des mots en rapport de près ou de loin avec ce thème. Tout le monde dans l'équipe joue. Jonathan, oui. Bélitis, Zezel, Maître oui. Kevin et moi. Et le premier qui sèche a perdu. Tu dois nous éliminer un par un, Cédric, pour avoir du cadeau Fun Radio. Si t'es le premier à perdre ou si tu perds avant nous, avant d'arriver en finale, t'inquiète pas, j'aurai une solution de secours pour que tu puisses repartir quand même avec du cadeau, ok? Allez, avant d'écouter Lost Frequencies, Are You With Me sur Fun Radio, es-tu avec moi? Eh ouais, traduction. Ouais, t'es fort toi. J'ai fait anglais, frère. Travaille chez Babel. Ah, c'est ça. Babel, les cours Babel, de soutien d'anglais. Y en a pas deux. Non. Allez, tire au sort un thème, Jonathan. Des marques de luxe. Marques de luxe, c'est Cédric qui commence. Ensuite, ce sera Bilitis, Zezel, Maître Kevin, moi, et on termine par Jonathan. C'est parti, 3, 2, 1, marque de luxe. Cédric, c'est à toi. Can't touch this. Louis Vuitton. La passe. Chanel. Non, c'était pas à toi, c'était à Bilitis. Ah merde, excuse-moi. Attends, mais c'est quoi la voix de Julien? Maserati. Maître Kevin. Can't touch this. Gucci. Ok. Abercrombie. C'est pas vraiment luxe, mais ouais, ça passe. Chanel. À toi, Cédric. Louboutin. Jaguar. Attention, le prochain qui ne dit pas dans le rythme, le vire. Ferrari. Maître Kevin. Bentley. Non, mais là, on va jamais s'arrêter. Dolce Gabbana. Dior, c'était à moi d'abord et tu termines. Bah, t'es en dernier. Ferme Dolce Gabbana. Ferme ta putain. Mais des marques de luxe, c'est des marques de fringues, j'y pensais. Mais ferme ta putain de gueule. Cédric, à toi. Oui, maître. C'est perdu Bilitis. C'est perdu Bilitis, elle était pas dans le rythme. Elle était pas dans le rythme. Ça fait 3 fois que je te laisse passer Bilitis. You are not ça in the rhythm. Ça fait 3 fois que je te laisse passer. You are not on the rhythm. You are not on the Richard Touch. Attention. You are not in the rhythm. Oh no. Oh yeah. Et okay. On sort un deuxième thème. Je pense qu'on est tous en craquage de fin de saison là. Des DJ Fun Radio. DJ Fun Radio. Cédric, tu commences. Ensuite ensuite Zezer. Ensuite Maître Kevin. Moi. Et on termine par Jonathan. Cédric, c'est à toi. Lexus. Oli. DJ Fun Radio, Lexus. Lexus, il se fout un peu de notre gueule, lui. DJ Fun Radio. Ouais, c'est une marque de luxe, non? Lexus Matter. C'est une marque de luxe. Comment te dire? On a changé de thème, loulou. DJ Lexus, y a pas DJ Lexus, non, Cédric. En fait, c'est parce qu'il y a encore changé le thème alors. Ah bah, on l'a dit pourtant, Cédric. C'est les DJ Fun Radio. Attention, Cédric, dernière chance, hein. Mais quoi? DJ Fun Radio, des DJ qui passent sur Fun. Des disques jockey. Des disques jockey qui passent sur Fun. Oh, j'en ai un. Ah, on est pas mal. Bon, c'est que tu commences. Il y en a tellement peu. Vince. Ouais, je lui passe. On les corde. Oli, très bien. Notre gueule, quoi. À toi, Jonathan. Martin Solveig. Martin Solveig. Bah oui. Bah oui. DJ Milo. Mais oh, c'est moi d'abord. Maître Kevin. Armin von Buren, non? Ça passe, on l'a sur Fun. Ardell, Hardwell. Cédric. Il y a un monde de rythme, ça. Je connais pas d'autres. D'accord. Bon, allez, c'est perdu. Éliminé, Cédric. Tu choisis quelqu'un, tu paries sur quelqu'un, Cédric. Est-ce que tu paries sur Jonathan, sur Zezel, sur Maître Kevin ou sur moi? Zezel. Zezel pour repartir avec du cadeau Fun Radio. La confiance, hein. La confiance sur tes épaules, Zezel. Allez. Allez, on y va, on tire au sort un thème. Accélérons. Thème suivant, attention. Émission présentée par Cyril Hanouna. Très bien. Zezel. Tu as dit quoi? J'ai pas entendu. Les émissions présentées par Cyril Hanouna. Zezel en premier, Maître Kevin en deuxième, moi en troisième et Jonathan en dernier. Ouais, c'est chaud. Zezel. PPMP. Maître Kevin. Le poule à poule. C'est pour nous, c'est un cadeau. Morning Live. Je me sens baisé. Allez, c'est éliminé. Y avait... C'est perdu. Ah nous, on a le matin. Voilà. Ouais, bah il y avait l'Eurovision aussi, il a présenté l'Eurovision. Ah non, on a le matin. Pas présenté l'Eurovision, mais il a commenté l'Eurovision. La vie est une fête aussi, évidemment. Ouais, ouais, très bien. Plage. Bon, on sait que tu fais ton suceur avec ton patron, toi. Il connaît même pas les radios que j'ai fait précédemment, mais pour ma base, il sait tout, le gars. Je les connais toutes, tu veux que je les cite? Non, non, non, on peut pas. On peut pas. Alors, attention, donc Zezel éliminé. Il reste moi, Jonathan, Maître Kevin. Ah, attention, des pays qui ont joué à l'Euro cette année, à l'Euro 2016, là. Les pays, voilà, qui jouent. Les pays qui ont joué à l'Euro, le premier qui sèche. Et y a pas, on va aller jusqu'au bout, on va aller jusqu'au bout parce que là, ça commence à me faire chier, ça dure longtemps, là. Ok, allez. Je commence ? Ouais. L'Autriche. L'Autriche. Pardon. Maître Kevin. La Russie. La France. Évidemment. Pays de Galles. Ah mais on n'est pas terminé là, on n'est pas sorti de la berge. Au pire on a 24 hein, donc. Ah Maître Kevin il était pas dans le rythme. Il était pas dans le rythme. Il était pas dans le rythme. Il a parlé sur le truc. Éliminé. Non, dans le rythme. Mais c'est quoi cette arnaque? Il a parlé sur mon truc. Éliminé frérot, il a pas parlé. Mais ma parole, il a parlé pendant que j'allais dire le truc. C'est pour ça que je me suis dit, je vais le dire juste après. Ouais, ben envoie un mail à nogreenpoints@funradio.be. Je suis désolé, c'est éliminé. J'en ai rien à foutre, je vais bousiller la finale. Allez, finale. Bah, des bières, des marques de bière. Allez, putain. J'avais envie de dire des marques de bière belges, mais bon. Allez, je commence. Vas-y. Jubilaire. Ok. On est vraiment obligé d'attendre lequel te dit ça. Jupiler, il a dit Jupiler. Heineken. C'est perdu. Il est mauvais. 16,64. Ah putain, elle est trop bonne cette bière. Il y a qu'en France en plus, c'est au States. Duvel, pardon. C'est perdu. Il y avait putain. Cantagiste. C'est perdu. J'ai donc gagné ce Cantagiste. C'était vraiment un bâtard en fait. Yes. Kim Jong-un de la radio, le gars il aime pas perdre, c'est un délire. Non frérot. Mais non. Même quand ça il passe. Perd, il gagne en fait. À la loyale. À la loyale les gars. Bon Cédric, t'as parié sur le mauvais poulain, t'avais parié sur Zizel. Je suis désolé. Bonne soirée mec, tu reviens quand tu veux dans l'émission, d'accord? A plus mec. Ouais. Allez, à bientôt, Cédric. Je te repasse des ailes justement en standard. 02851 4x0, bisous, Cédric. 1h41 du matin. Il y a Calvin Harris, Rihanna, This is what you came for qui arrive sur Fun Radio. Maître Kevin et le rappeur Mitelemi Street B2O PAF aussi. Ouais, Kevin, on en est où pour Nora Malagré justement d'en parler là? Non, c'est bon. Moi, j'ai décidé de me consacrer sur mon couple. Ah, t'es plus sur le dossier. Elle t'a foutu un râteau. Voilà. Et sa meuf à côté, voilà. Je crois. Non, non, du tout. Non, vraiment pas. En fait, c'est moi qui ai décidé de mettre fin à cette idylle. D'accord. J'ai vu que son nouveau mec s'appelait Justin, c'est ça? Non, non, non, non. Moi, c'est pas les échos que j'ai eu. C'est pas Justin du tout. En tout cas, elle avait l'air vraiment déçue à l'antenne hein, que vous ayez coupé le cordon avec elle, Maître Kevin. Elle avait l'air anéantie la semaine passée. Hein. Non mais je le sais, je l'ai vu pleurer dans les toilettes des dames, donc après, voilà, c'est bien. Ça c'est la vie hein. Bon allez, dans quelques instants Maître Kevin, vous allez offrir du cadeau Fun Radio peut-être à Romain qui est là, 23 ans à tourner. Salut Romain. Bonsoir. Salut Romain. Quoi, Romain, ça va bien et vous? Bah ouais, tranquillement. Romain, tu sors au Captain. Ah putain, c'est le jeu, c'est exactement. Tu connais Genetics? Qui ça? Tu connais Genetics? T'es un pote à moi, il est DJ, il était famous DJ dans les années 90. Arrête. Ouais. C'est Jonathan qui a été DJ au Captain. Ouais, j'étais résident là-bas pendant 3 ans entre 2010 et 2012. Ah, là, il s'est barré sans donner de nouvelles, comme de partout. Non, je me suis fait virer. Ne bouge pas. Ne bouge pas frérot, on t'offre du cadeau après la Fréquence 6 sur Fun. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Margaritas by the moonlight. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by the blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Une génération pour foutre le bordel. Mike Open Space. Mike Open Space, le soir sur Fun Radio. Baby, this is what you came for. Lightning strikes every time she moves. And everybody's watching her, but she's looking at you. Du matin sur Fun Radio. Para bailar. Ok. 4 émissions avant la fin de la saison. Tu te permets des choses que tu ne te serais pas permis au mois de septembre. Non. Je retiens Jonathan. S'il y a une saison 2, s'il y a une saison 2, tu l'écouteras à la maison. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Dans tous les cas, l'année prochaine, je suis au chômage. Maître Kevin, par contre, s'il y a une saison 2, lui, il re-signe avec nous ou pas? Obviously. Très bien. Ça veut dire quoi? Il faut parler thune, Augustly? Non, ça veut dire bien sûr. Obviously. D'accord, ok, parfait. Il va me demander une augmentation, je le sens bien, Maître Kevin. Il y a Zezel également, lui il reste la saison prochaine si on est là. Bah c'est normal. Ok. Non, mais non, c'est normal, je suis obligé, c'est la famille. Parfait, pas d'augmentation toi. Non, moi je monte pas. Non, lui il me connaît mieux que Maître Kevin. Attends, pas d'augmentation. En 3 mois il me connaît mieux que Maître Kevin. Très bien, je vais attendre. Bon bah toi, augmentation d'office. Et voilà, comment créer des clans dans l'équipe. Et Billy Tis qui nous écoutera également depuis chez Zezel, puisque ce sera l'ex à Zezel d'ici là. Je plaisante. Merci. Billy Tis qui est venu nous voir. Je suis quand même le seul mec dont l'augmentation va faire un multiple de 1250. Hein. Voilà. Non? J'en peux plus de cette équipe sur la bouche de la mer, j'en peux plus. On nous dit au 3044 pour une dédicace Captain et la communauté Artstyle. Go passer l'anthème. Dev Co. Defcon 1, pardon, pas. 2016, basse modulateur, event qui a eu lieu le week-end aux Pays-Bas. Non mais attends, tu vas pas me dire qu'on a une communauté hardstyle qui écoute Fun Radio et qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent d'office Genetics, enfin je veux dire. Au bout d'un moment, j'ai quand même été résident captain pendant 3 ans, les gars. Bon, d'accord, oh, c'est le entre. Le boulard du gars. Mais non, mais attends. Mais sans déconner, attends. Tu dégonfles. Mais attends 2 secondes, attends, d'accord. Mais, non, mais il y a Avicii qui le connaît, quoi, les gars. Non, mais tu sais, attends, mais sans déconner. Mais attends, Kevin, sans déconner, tu parles d'Avicii, mais tu fais bien, tu me rappelles un truc que Jonathan m'a dit il y a quelques mois. Et il m'a dit, sans déconner, Mike, si j'avais pas déconné au captain, tu seras à la place d'Avicii. Bah, à la place, mais. Quand on est parti à la Ibiza Experience et qu'il y avait Avicii sur scène et tu m'as fait. C'est Martin Garrix. Je serai à la place de Martin Garrix, tu m'as. Ouais, bah oui, mais je le pense toujours et franchement, c'est pas question de boulard. C'est simplement que. J'ai déconné, c'est tout. Le boulard. Mais arrête. C'est quoi, t'as bu un panaché de trop? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais je crois que c'est encore l'alcool d'hier. Maître Kevin, qu'est-ce que vous allez dire face à un tel ego surdimensionné, quoi? Qu'est-ce que tu peux répondre? Bah non, mais moi franchement j'aime bien les gens comme ça, c'est qu'il a confiance en son talent. Ah bah non, bah je veux dire là on est au-delà de la confiance là. Alors, on est surtout dans la vérité. Non, on est dans la naïveté. On va pas se mentir. Bon allez. Ah d'ailleurs je tenais juste à dire que Defcon 1 c'est un super festival, il faudrait qu'on y aille un jour Mike. Ça se passe juste à côté de Walibi Holland. Ouais. Et c'est vraiment bien. Bon, c'est pas ton style de musique je crois, mais c'est kiffant. Oh, si, j'aime bien. Le hardstyle, le hardcore et tout, ouais. Ça, rock style, bon ok. C'est cool. Très bien, bon ira avec. Ouais, l'année prochaine. Avec grand plaisir. Maître Kevin, nous allons jouer avec vous dans quelques instants. Auparavant, j'ai envie que Zezel me convainque. Je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs. C'est très français. Que Zezel me parle avec conviction. Que Zezel, voilà, me parle avec conviction. Zezel, dis-moi ce que tu as sur le cœur, frérot. Dis-moi ce que tu me reproches. Dis-moi qui est le plus beau. T'es certaine. Voilà. Et tu m'as préparé une lettre. Exact. C'est la lettre de la dernière chance. Lettre qui va peut-être définir si je te garde ou pas la saison prochaine. Zezel. Vas-y, c'est à moi. D'accord, très bien. Tu m'as préparé une lettre, tu l'as écrite et ouais, tout non, sérieusement. Non, elle est écrite. Sérieusement. Allez, je sens que le mec est très premier. Alors, de demain, comme Coralie devait passer, mais a priori, je me suis embrouillé avec elle. Demain, c'est Jonathan qui passe. Ça va ou pas, Jonathan? Ouais, ça va aller. Et mercredi, c'est Maître Kevin. Ok. Ok, très bien. Et jeudi, je vous ferai un petit truc. Jeudi, c'est Bibi. Enfin, j'ai pas besoin de vous convaincre de me garder parce que bon. Mais et donc, c'est vous à la maison 3044. Quand même. Hein. Avec Maître Kevin également. Vous plus Maître Kevin qui allez décider si Zezel reste dans l'équipe ou pas. Zezel, j'écoute ta lettre que tu as préparée. J'espère qu'il m'a pas fait un truc larmoyant, putain. Non, je crois qu'il est simplement premier degré, donc il va dire toute la vérité. Tu veux que je te mette quel genre de musique? Ouais, tu peux mettre une petite musique sympa, une petite musique douce. Non. Très très mauvais choix de musique. Ça serait bien passé quand même hein. Tiens. Mais non. C'est pas possible ça. Bon, tu vas la faire à Capulco, fais-la à blanc. Ok, vas-y, c'est bon. Alors, je crois qu'il va tous nous gêner ce con. Ah, bon, Carly Swiss Power, tu l'as ou pas en Chine? De George Michael. Carly Swiss Power. Non, je ne mange pas de ce pain là, Jonathan. Alors, je commence. Donc, Monty Mike, je t'écris ces quelques mots pour te dire que j'ai passé depuis le mois de février de super bons moments pendant l'émission et en dehors. Aussi, malgré mes fausses pistes, je vous considère déjà comme une petite famille secondaire et toi, Mike, comme mon petit frère. J'espère pouvoir encore être là la prochaine saison, être avec toi et avec toute l'équipe. Et n'oublie pas l'homme de l'ombre et je te kiffe et je te kifferai encore. Ouais, mais tu t'es pas fait chier quand même. Hein. Oh, mais putain, t'as mis combien de temps pour écrire ça? 4 secondes. 4 secondes. Non, ça me fait plaisir. 4 non, secondes. Ça me fait plaisir. Allez, Zezel, re-signez pour la saison prochaine, mon Zezel. Attends, c'est comme fait. Ça. Mais non, mais tu laisses même pas de bah suspense. Ouais, fais place aux sentiments, les gars, aussi. Mais tu rigoles, moi. Je suis un sentimental, moi. Tu sais quoi, demain, je te fais 2 phrases. Merci, t'es le plus beau. Voilà. Ouais, je te dirais, dégage. Dis-moi mon avis. Ouais, Maître Kevin. Jury, non ouais, bah, Maître Kevin. J'ai trouvé qu'il a mis du cœur dans ce qu'il a fait. Ouais, il a mis du cœur. J'aime beaucoup. Il a mis du panache. Parce que il y avait des petites allusions à l'homme de l'ombre, tout ça. J'aime bien quand on rappelle un petit peu les petites coulisses de l'émission. Voilà. J'aime bien. Donc j'ai envie de te mettre un 10. Voilà. Je te mets un 10. Ah, 10. Non, mais merci mon Zezel. Je te fais un bisou. Viens, je te fais la bise. Allez, bien. Merci mon Zezel. Ouais. T'es re-signé d'office. Allez, j'en ai fait 2. Ah. Oh, je kiffe. T'étais re-signé d'office jusqu'à ce que je me tourne sur ce qui est sur ton écran. Pourquoi t'as une photo de Jonathan au fond d'écran? Non, je t'occupe à récupérer les dossiers en fait. Ah d'accord, ok. Quel connard! Ah, je récupère les dossiers en fait. Il y a pas de dossier. Mon Facebook est intouchable, les gars. J'ai tout barricadé. Non, c'est pas bon, possible. Allez, c'est bon. 1h53 du matin sur Fun Radio. Donc demain, ce sera la lettre de Jonathan. Ouais. Et toi, je te sens beaucoup moins bien. Bah écoute, tu connais la personne. Ouais. Bah voilà. C'est ce qui m'inquiète. 1h54. Il n'y aura pas de meilleur radio. Maître Kevin, on va jouer avec Romain dans quelques instants à tourner. Et juste avant, c'est le nouveau Mokobé sur Fun Radio. J'ai trop dansé. Passez une bonne nuit, tout le monde. J'ai trop dansé. Hey, j'ai trop... au docteur. J'ai mal au dos. J'ai trop dansé. De minuit jusqu'à l'eau. J'ai dépensé tous mes lots. Plus d'essence dans la cour. Y'a la police qui rôde. J'suis dans le futur, j'ai mon port. Le DJ nous a plié. Toute la soirée. Sur la pluie, j'ai cotonné. Je suis fatigué. Sapé comme jamais. Mon parfum dure 24 heures. J'mange un comme jamais. Casal sur le nez, j'suis prince nappé. J'ai trop dansé. J'ai trop dansé. DJ, vas-y mollo. J'ai trop dansé. Tu vois pas que j'ai chaud. Ou c'est à cause de la gore. Son déhanché n'en fait trop. Elle a tout ce qu'il faut. Pour mettre tout bon chaos. Le DJ nous a plié. Toute la soirée. Sur la pluie j'ai condamné. Je suis fatigué. Là je deviens relou. Je danse comme Drake. L'ambiance devient chelou. Faut que je m'arrête sec. J'ai trop dansé, hey, j'ai trop dansé, hey, j'ai trop dansé, hey, je suis fatigué. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. J'ai trop dansé, hey, j'ai trop dansé, hey, j'ai trop dansé, hey, je suis fatigué. J'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. J'ai dit bloqué, débloqué. Là je deviens relou, là je deviens relou, là je deviens relou. Je danse comme Drake. Bonne nuit sur Fun Radio. Turn up the radio. Il est là pour retourner la Belgique. Mike Open Space sur Fun Radio. 1h57 du matin sur Fun Radio. Dans quelques instants, il y aura les titres à la une de l'actualité. Demain, on est connecté sur les réseaux sociaux de l'émission, sur la page Facebook. Je compte sur vous pour rejoindre la grande famille Open Space. Vous tapez Mike Open Space dans la barre de recherche. On est sur Twitter aussi. Mike Fun Radio, c'est mon compte. Je vous follow back. Et Mike Open Space sur Snapchat. Photos, vidéos, coulisses de l'émission. J-4 avant la fin de la saison, les amis, avec Maître Kevin qui est là, et B2OPF, le rappeur Meet Enemy Street que j'accueille. Bonsoir Boupaf. Bonsoir tout le monde, comment ça va? Comment on va, mon rail bien? Comme Jonathan m'a dit hors antenne, alors Morey. Non, j'ai pas dit ça, je dis bravo Morey, je l'ai pas dit de cette façon là. Bravo Morey. On dit ça avec voilà, une voix très féminine. Très Jonathan quoi. Il est du même d'en face ton pote. Ouais, il est du monde, il est de toutes les planètes, il est d'ici et d'ailleurs. Je suis Mars et Vénus. Comme Sheriff Aluna. Oui. Pourquoi Sheriff Aluna? Parce que tu la perdras. Si tu la laisses planter là, non. Prends soin d'elle. Voilà. Martin Solveig dans 5 minutes. Et B2OPF, vous allez offrir du cadeau Fun Radio en jouant avec Kevin. 23 ans de tournée, Kevin. Non, Romain. Romain, d'accord. Je suis parfait au niveau des feuilles ce soir. Jonathan m'avait dit. En fait, tu m'avais dit la même chose. Bon, très bien. Alors, je pensais que c'est moi le fautif. Romain, frérot, ouais. On a fait. Tu vas jouer face à Maître Kevin. Boupaf va te chanter va te rapper des titres, d'accord, de son dernier album. Boupaf, le nom du dernier album, c'est quoi? Genesis. Comment? Excusez-moi. The Boo Genesis. Ça veut dire que mon The Boo, il est fort comme Genesis. Très bien. C'est génétique au passage, je vais. Génétique, ouais. Ah oui, d'accord, j'ai pas compris la référence. Et Kevin, Romain, pardon, écoute bien les paroles. Ouais. Et tu dois trouver donc une personnalité de la télévision. C'est bien, ça marche. J'espère que tu m'as fait du belge, hein, Maître Kevin. B2OPF, on y va. Concentrez-vous chez vous à la maison. Vous essayez de trouver au 30-44 50 centimes par envoi. Et si vous trouvez avant Romain, c'est cadeau fun pour vous. Allez-y, B2OPF. T'es un 10 dans ta boîte à carwash. Là, ça va être un style d'émission télé. Un style d'émission télé, Romain. Un style d'émission télé. Allez, on est parti. Allez, vas-y. Même à travers images cryptées, j'y vois net. J'kiffe à fond pour les doggies et les levrettes. Ramenez-moi les 200 filles, j'suis retiré mon gros loulou. Ouais, c'est bon. Comme téléphone sans fille, elles lui iront toutes ouïouïouï. Chaque premier samedi du mois, j'explose boîte de sopalin. Bitzer plus dur que du bois, pas là pour faire des câlins. Bang bang dans la chatte à ma gloire. D'ailleurs, qu'il a écrit des nouveaux textes quand même, Maître Kane, il a pris la seule émission qu'on avait pas en Belgique. Ah putain, ah oui, c'est la vieille émission là en fait. Moi j'étais parti sur Bachelor. Alors Romain, bonne question. Je sais pas du tout. Ouais, bah ouais, du coup. Ah, je kiffe cette émission en plus. C'est. Premier samedi du mois, enfin bon, voilà, C'est pas avec des couples dans une maison. Ah, c'est des couples qui sont dans une maison, oui. L'amour rend aveugle ou un truc dans le genre. Éventuellement, si elles prennent en facial, ça peut rendre aveugle. Mais non, c'était le journal du Hard, c'est ça, Maître Kevin? Waouh, le film de cul de Canal, ça passait. Voilà. Le film de cul, tout simplement. Bon, le journal du Hard, voilà, c'est voilà. Ok. Alors, Boupaf, on y va. C'est des émissions qui sont diffusées en Belgique pour les deux prochaines, j'espère. Ouais. Allez, vas-y, frérot. On est parti. Le débat va trop vite. Le débat va trop vite, il va se clasher. Hein. Faut pas inviter Le Pen. Marine, il faut la zapper. Mais Marion, il va la serrer. J'ai kiffé sur le plateau. C'est merdé, je l'avoue. Puis Jadas me l'a dit gros. Elle veut la kékette d'un voyou. Marine veut la kékette d'un voyou. D'un voyou, d'un voyou, d'un voyou. Voilà. Ok. Alors Martin, tu l'as... Martin. Romain, tu l'as? Non, du tout. Une émission politique qui passe sur France 2, je crois. Ouais, c'est ça. Non? Non, je sais pas. Des gens qui, parce que les politiques, c'est bien ce qu'ils disent des paroles, mais qui font aussi des actes, tu vois. Ouais. Non. Bon. Maître Kevin. Je vois pas. Non. Maître Kevin. C'est toi de paroles et des actes. Des paroles et des actes. Voilà. Bon. Bah, Romain, on va faire le kiff pour le troisième, juste pour le kiff, ok? Ok, ça marche. Allez, vas-y, poteau, concentre-toi. Si tu le trouves, c'est quoi? Je change les règles et je t'offre quand même du cadeau fun. Mais quelle générosité. Eh oui, générosité. Parti, Kevin. Générosité. Bordel, elle était Miss Belgique, mais nous on la connaît à cause de M6. Pas de doute, c'est une bombe atomique. Ton jogging va coller, est-ce que tu piges? Alex, son co-anime sur la 6, avec ses vannes toxiques, il va te mettre mal à l'aise. Retrouve cette Miss Belgique, animatrice en femme qui agite toutes les bonnes tricks. Oh, facile. Alors, Romain, celui-là, tu l'as. Elle est sur RTL TV en fait. Une ancienne Miss Belgique. Elle a fait Pékin Express aussi. Bah dire non, une ancienne Miss Belgique, la plus connue. Julie Taton. Eh ben non, c'était l'autre. Putain. C'était Jonathan évidemment. Sandrine Cormal. Eh oui. Je peux raconter un mot. La morale dans le pré. Bah c'est perdu. Non, c'est pas la morale dans le pré, Sandrine Cormal. Non, c'est Sandrine Danse. C'est Sandrine Danse, oui. Ah, Sandrine ah, Danse. Ouais, incroyable de France, pas quoi là. J'ai un petit dossier sur Sandrine Cormal. Bon, on s'en bat un peu tous les steaks, mais en fait, je voulais simplement dire, elle est vraiment pas sympathique en vrai. À mon avis, ouais, elle était peut-être sous son mauvais jour, j'en sais rien, mais un jour, je lui ai fait visiter l'Atomium. Donc, je travaillais là-bas pendant 3 ans, et elle était là pour une émission de télé où elle faisait découvrir un truc aux jeunes, enfin, pour leur métier d'avenir. Et elle était vraiment antipathique, mais comme jamais, voilà. C'était petit truc comme ça. Et toi, tu l'as jugée juste sur une apparition. Mais c'est pas ça, moi, je la kiffe, Sandrine Cormal. Imagine-toi les auditeurs et les auditrices qui viennent nous voir, etc. Alors, ils étaient antipathique au possible avec non mais c'est pas ça, c'était juste c'est sa caractère personnel, parce que je la kiffe plus que tout, et là j'étais vraiment super déçu, quoi, tu vois. Donc j'étais un peu déçu de la personne, en sachant que j'avais beaucoup d'estime pour elle et que je la kiffais de dingue. Mais voilà, c'est simplement ça. Bon, voilà. On l'embrasse, Sandrine. Mais évidemment, je l'embrasse et j'ai hâte de la re-rencontrer. 2h03, pas elle. merci beaucoup, Boupaf. Ça c'est zézé, gros bisou sur la chatte à Sandrine Cormal. A bientôt, Boupaf, dans l'Open Space, et vous revenez nous voir jeudi soir pour le combo. Bref. Yes, aïe, le combo de la fin jeudi soir pour la dernière de l'Open Space, la dernière de la saison. Romain. Bon, Romain, je suis désolé, mon Romain, ouais, c'est perdu. Il n'y a pas de souci. Bon, bisous, Romain. Bisous, bonne soirée à vous. Bon, je te repasse Zezel, ok? Ça marche. À bientôt, frérot. Tu reviens quand tu veux dans l'émission 2h04 sur Fun, avant de se quitter et avant de se faire les titres à la une de l'actualité. Demain, c'est Martin Solveig qu'on écoute tout de suite. Voici Do It Right. C'est une bonne nuit, on est en direct. Maître Kevin, vous restez encore quelques minutes avant la fin? Bien évidemment. Ah, tranquille. Do it right sur Fun Radio. On vous attend sur le Facebook, Mike Open Space. Show me that you make a stand. If I let you try again, boy, you gotta do it right. fais les choses bien. Laisse-moi finir l'émission tranquille. On évite les prises de tête sur Fun Radio. Jusqu'à 2h, même plus, Open Space, 2h07 en direct. Are you ready? Une galère, appelez l'Open Space. Go! 02 851 4x0. Mais soyez bon. Ta phrase m'a fait peur en fait. J'ai l'impression que tu dis ça parce qu'on s'embrouille, mais pas du tout. Non. Il faut rassurer mais les non, habitants. Pas du tout, non, voilà. Non, mais c'est comme non, ça. Non, parce que j'avais la chanson de DJ Abdel. Mais... Oh, je vais tout vous dire, j'avais juste la chanson de DJ Abdel et Maître Gims en tête. On fait les choses bien, my friend. Laisse-moi finir mon texte. Évite les prises de tête. Voilà, je vous révèle les coulisses, de ce qui se passe dans mon cerveau. All is alright. Voilà. Mais Maître Kevin me comprend. On est pareil, lui et moi. Ah, schizophrène. Voilà, donc. Moi, il y a des moments quand j'ai des chansons dans la tête, il faut que je les chante. Ouais, voilà. Il faut que tu places les paroles de chansons dans ta conversation, quoi. Sinon, t'es pas bien. Voilà. Exactement. Sinon, ah, mais voilà. D'ailleurs, je voulais dire, je rêve son visage, je dessine son corps, et puis je l'imagine habitant mon décor. J'aurais tenté à lui dire si j'avais tenté à lui dire. Voilà. Merci d'écouter Fun Radio. C'est l'Open Space. Je suis au BDR. On salue juste une sale pute, une sale. Désolé. On salue toutes les personnes qui bossent là en ce moment en nous écoutant. Sale pute aussi. Voilà. Bah pourquoi pas les prostituées, ça nous écoute beaucoup sur le trottoir. Voilà, j'ai envie de dire. On vous embrasse. Faites attention à vous, les amis. On embrasse les personnes qui sont sur la route, les agents de sécu, les flics qui bossent aussi, qui nous écoutent ce soir. En plus, les flics. Zézel a eu un coup de flic de la police. Oui, un coup de flic. Un coup de fil. Un coup de fil de la police, pas un coup de flic. Un coup de fil de la police. Zézel, on exactement. Les embrasse. Quel commissariat qui t'a appelé? Je sais pas, mais en tout cas, voilà. Mais on les embrasse quand même. Quel secteur, tu sais pas? Je sais vraiment pas vous dire. Bon, on les embrasse non. En tout cas. On les embrasse quand même. Et puis voilà, on embrasse aussi les détenus qui nous écoutent à Donf, personnes qui bossent dans le secteur hospitalier. Allez, 2h08, je suis au bout du rouleau, moi. Voici l'heure des titres à l'aine de l'actualité demain. Voici l'heure du JT déjanté. Hello Bélitis, hello Zézel, hello Maître Kevin, hello Gonathan. Hello à tous. Coup de tonnerre pour les éleveurs. Et oui, il semblerait que le fait de consommer du steak haché soit également mortel pour le bœuf. Oh, c'était merde. Ma meilleure vanne de l'année. C'est la vanne qui a le mieux marché de tous ces JT déjantés. Pourtant, on l'a fait tout à l'heure. Pourtant, je l'ai déjà fait tout à l'heure. Voilà, pour ceux qui n'étaient pas à la mine. Ouais, je peux être honnête avec toi. J'anticipais la suite en fait. Allez. Tout. Mike est copain avec les plus grandes stars. Oui, je suis ami avec Rihanna sur Facebook. Elle parle super bien français, mais elle m'a même demandé des thunes. Fais gaffe quand même. Ouais, vite couple. Si votre femme est de plus en plus distante, qu'elle ne veut plus faire l'amour et qu'elle se laisse aller, pas de doute, vous avez fait la boulette, vous vous êtes marié. Fais gaffe à toi, Mike. Oh rage, oh désespoir, oh vieillisse ennemie. Ouais, la rumeur est confirmée ce soir. Jonathan joue comme une merde. Dans l'open space, on fait de l'humour noir. Tellement noir qu'il a une plus grosse bite que moi. Si la connerie était de l'essence, ce serait l'émission la plus utile du monde. Mike Open Space, avec Jonathan, jusqu'à 2h sur Fun Radio. On va pas se mentir, on a les mains de source. Je t'expliquerai après. Ah, Maître Kevin! Ah, j'ai pas compris ça en fait. Ah, ok. Maître Kevin, il sent tout fier lui sur la dernière vanne. J'ai entendu Maître Kevin, c'est la seule vanne sur laquelle il a rigolé. De toute façon, ça parle d'un club à la gueule. Il a aussi sur le bœuf. Le bœuf, c'était très drôle. Ah, d'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Maître Kevin. Vous êtes toujours là pour m'enfoncer. On l'a rigolé, mais en décalage. Ben, ça, voilà. Allez, on y est. Bonne soirée, Kevin. À demain. Bonne soirée. À demain. Et je voudrais passer une petite dédicace oui. À Apolline, ma petite Apo. Que je fais un bisou, un gros bisou amical pour commencer. Elle comprendra. Et puis, je vous souhaite un bon courage pour son mémoire. Apolline, de Malherbe. Apolline, ouais. Elle vient de Malherbe. Non, de Porte de Champéret. Rien à voir. Tu l'embrasses, Apolline. Alors très bien. T'as sur tous les dossiers, Maître Kevin. C'est un truc de. Ouais, un truc de oui. Apolline, fais attention à toi, Maître Kevin. C'est un chaud lapin. Sache qu'il y en a une autre et qu'il nous en parlait tout à l'heure. Alors qu'il y a 10 minutes, il nous disait simplement qu'il voulait se refaire focus sur son couple. Hein, donc, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà. Hey, les gars, j'ai juste passé un big up. Vous voulez m'enfoncer comme ça? Je pensais qu'on était amis, je pensais qu'on était une famille, les gars. C'est un peu l'open space en même temps. Hein. Oui, une famille qui va tenir jusqu'à la fin de la semaine. Au moins, mon Zézel, bisous, mon pote. Exactement, gros bisous. À demain. Ouais, à demain. Merci beaucoup à la meuf de Zézel, Bilitis, d'être venue dépanner en l'absence de ma meuf, en l'absence de Coralie. Et Coralie qui fait la gueule, je vais aller de suite à l'appartement. Ouais. Je vais prendre des snaps, tiens, quand je vais rentrer dans l'appart, et à mon avis, elle va me lancer des trucs dessus. Ah bon, vous l'arrêtez. Elle est à l'appartement, là, elle m'a envoyé un message, j'ai dit, allez, chez toi. Je suis à l'appart. Attends, donc ça veut dire que la meuf, elle se casse le matin, elle revient le soir au calme. Alors, attends, je sais pas où dormir, donc. C'est normal. Bah, dans la rue. Elle est à l'appart, donc j'espère qu'elle sera là demain. Oui, bon. Au pire, je la rappellerai en direct. Oui. Parce que jeudi soir, j'ai prévu une belle surprise. Hein. Ouais, bah oui. Bon, bisous, Jonathan. Bisous, à demain, Mike. À demain, en plus, je dois me lever tôt pour toi, c'est ça. On en reparle après. Allez. Voilà. Bisous les amis, profitez bien de votre nuit, de votre journée. Demain, on va se retrouver évidemment demain dès 23h après Vince pour continuer à faire vivre ensemble la liberté d'expression. Demain dès 17h, Ivan et la Audrey, mais Happy Hour Audrey pour vous accompagner tranquille dans les bouchons. Ils sont en direct du club Bellambra, Audrey et toute la team. Et puis dès 6h du matin, Evan et la tribu aussi en direct du club Bellambra. Dernière semaine de morning, dernière semaine pour tout le monde, les amis. On a commencé cette aventure en septembre dernier, oui, en équipe. On la terminera en famille jeudi prochain en direct à partir de 23h sur Fun Radio. Je vous fais plein plein plein de bisous. Et comme chaque soir, un mot, trois syllabes pour se quitter. Libertad. Libertad. Mike Open Space revient demain dès 23h pour retourner le pays sur Fun Radio. Mike Open Space. Mike Open Space le soir sur Fun Radio. Bonne nuit, la Belgique. Mais je connais bien la suite. Pas moyen de fuir, n'est pas qu'un feu de paille. J'ai tellement peur du vide. Je veux foncer mais j'hésite. Et mon cœur bat de plus en plus vite, boy. Et j'aimerais tellement pouvoir te dire que loin de toi c'est trop dur. Petit à petit je me fane. Viens déposer tes ailes autour. Pour m'emmener, m'emmener loin de tout. Fun Radio, the Sun Dance Floor. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. But I do. I care about me and you. I care about me and you. I care about right and wrong. Je ne suis pas riche, mais l'amour fait de moi. Le soleil me suffit comme lumière. Je laisse ses pousses faire la guerre. Moi je cultive le love, ouais je m'en fous. Je suis un habitant de la terre. Un passager, un simple locataire. L'amour m'est vital, il m'est nécessaire. La vraie richesse, c'est le love. Me used to know a man on a skyscraper. Market crash, money turned to vapor. Better know what life is really worth. More precious than diamonds from the earth. Happy no set the youth of the future. So not encourage them to turn in a gangster. Got to shower them with love. Cause they're a blessing from above. I'm not rich, but I live like a millionaire. You know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. Where's my food? Je suis un habitant de. Un passager, un simple locataire. L'amour m'est vital, il m'est nécessaire. La vraie richesse, c'est le love. L'amour est la seule richesse véritable. L'unique défense pour s'immuniser contre le diable. Je me fous de vos diamants. Je sais que la valeur d'un homme se trouve dans la force de ses sentiments. Je sais, je suis venu, je devrais partir. j'étais nu, je dois m'en souvenir. Mon cœur est un coffre fort, l'amour est une richesse. Yeah. Like a millionaire, you know I live like a millionaire. You know I live like I ain't got a care in the world. Le monde devient fou, on n'emporte rien au cimetière. Finalement un diamant ne vaut pas une prière. Il n'existe nul autre trésor sur la terre, la seule richesse c'est le lot. Je suis pas riche, mais l'amour fait de moi un millionnaire. Le soleil me suffit comme lumière. Je laisse ces fous se faire la guerre. Moi je cultive le love, ouais je m'en fous. Je suis un habitant de la terre, un passager, un simple locataire. L'amour m'est vital, il m'est nécessaire. La vraie richesse, c'est le lot. Fun Radio. Fun Radio. Le son dance floor. Dance floor, dance floor, dance floor, dance floor. Love me. Fun Radio.